1 Timothée 3. On va regarder des textes bien connus des églises en général. On va essayer de le mettre dans le contexte. Est-ce qu'il y en a de ça? On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, c'est toujours un grand privilège de pouvoir s'asseoir à tes pieds et que tu puisses nous instruire. J'écoutais quelqu'un cette semaine qui parlait du privilège d'avoir Dieu qui habite en nous. Tellement spécial en comparaison avec le restant de l'histoire du peuple juif. Ce Dieu qui est éternel présent en chacun de nous. Et on n'est pas toujours conscient de ta présence, mais ça ne change pas le fait que tu es présent en nous et ton esprit qui œuvre en nous, avec les vérités qu'on apprend. Donc, Seigneur, fait que ce qu'on va voir aujourd'hui puisse nous aider à comprendre qui tu es, toi, et que nos décisions soient prises en fonction de toi, et non pas en fonction de ce qu'on pense, ce qu'on vit, notre culture, mais vraiment, toi, tu es éternel et tu ne changes pas, tu es immuable. Donc, les vérités restent les mêmes en tout temps. Bénis-nous, Seigneur, et qu'on puisse sortir d'ici encouragés à vivre pour toi. Amen. Amen. La plupart du temps, quand je vois sur Internet ou ailleurs, les gens vont prêcher sur 1 Timothée 3. La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont en train de mettre en place des pasteurs, des anciens ou des évêques, peu importe comment on les appelle. Et quand on les a mis en place, on oublie 1 Timothée 3. On n'en parle plus, on ne voit plus. C'est comme c'est fini. Mais je ne crois pas que l'apôtre Paul était en période d'élection quand il a écrit 1 Timothée 3. Donc, on va essayer de la regarder, nous autres, plutôt avec l'idée de Paul que nos habitudes à nous d'Église, qui, quand on avait des anciens, soit un pasteur ou quelqu'un enseignait 1 Timothée 3 ou Tite, et là, on essayait de voir qui pouvait être un ancien ou quoi que ce soit. Mais ici, je parlais de ça cette semaine avec Richard, mon gendre. Fait qu'on était deux anciens pasteurs, entre guillemets, puis on s'est questionné pour voir, quand on est devenu pasteur dans notre jeunesse, est-ce qu'on avait à penser ce que 1 Timothée 3 nous disait? Toutes les deux, on a dit non. C'était pas là. On regardait pour travailler dans le ministère, mais on n'avait pas vraiment une compréhension adéquate de c'était quoi ça, cette affaire. Puis la plupart du temps, quand on demande aux chrétiens c'est quoi la tâche d'un pasteur, chez les chrétiens, c'est bien différent. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'un pasteur devrait faire ou pas faire? C'est bien différent. Donc, dépendamment de l'église où tu vas aller, ça peut être différent. Le pasteur a été mis en place pour telle affaire. Dans une autre église, c'est une autre affaire. Puis des fois, c'est un pasteur à la jeunesse, puis l'autre, un pasteur au couple, puis l'autre, c'est un pasteur à l'adoration, puis... Mais c'est plutôt, ça reflète notre culture plus que les Écritures nous parlent. Nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée, puis pourquoi est-ce que c'est ça que Timothée, pourquoi est-ce que Timothée a besoin de savoir c'est quoi un évêque? On va parler un petit peu ensemble c'est quoi un évêque. Y a-t-il une différence avec un ancien, avec un pasteur? On va voir ça ensemble, qu'est-ce qu'il y en a. Mais on va essayer de le comprendre avec la pensée des deux épîtres à Timothée. Il y a un contexte à ça. Le contexte, pourquoi Paul dit ça. Et on va essayer de comprendre le bien-être de ça. Donc, moi, si vous avez vos Bibles, je vais faire lire juste la partie des anciens. Si on a le temps, on fera la partie des diacres après, mais peut-être qu'on va faire juste les anciens ce matin. Donc, suivez dans vos Bibles, chapitre 3, verset 1. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc ça, c'est la version que ici l'apôtre appelle évêque. Quand vous avez, la plupart d'entre nous, on est élevés au Québec, vous connaissez assez pour savoir qu'on est tous été élevés au Québec, et le mot évêque au Québec a une connotation différente à cause du catholicisme. Donc, un évêque, dans le domaine catholique, ça voulait dire quoi? Quelle était la différence entre un évêque et un prêtre? Entre un évêque et un archevêque? Ou un évêque et un cardinal? C'était quoi la différence pour l'évêque? Et c'était quoi sa fonction en tant qu'évêque? L'évêque, c'est le prêtre du diocèse. Oui. Donc, le prêtre était dans une paroisse, en général. L'évêque, lui, s'occupait d'un diocèse qui voulait dire plusieurs paroisses. OK? Donc, mais c'était quoi sa fonction? Ça, c'est... Là, on dit que c'est son domaine de juridiction, ou c'est là qu'il travaillait, mais il faisait quoi, l'évêque? Parce qu'on ne le voyait pas chanter à la messe, on ne le voyait pas faire les services ou les mariages. On le voyait à notre confirmation, l'évêque, hein? Puis on ne le voyait plus après. c'est juste là qu'on le voyait. On donnait une petite plaque, puis on embrassait sa bague, puis c'était fini. On ne le voyait plus le restant de notre vie, l'évêque. Moi, à ma mémoire, je n'ai jamais vu l'évêque du diocèse de Nicolet accepter cette fois-là. C'est la seule fois. Mais il faisait quoi? C'était quoi sa job à lui en tant qu'évêque? Il s'occupait des prêtres. Oui, il s'occupait des prêtres. Mais c'était quoi qu'il faisait avec ces prêtres-là? C'était quoi son occupation avec ces prêtres-là? Parce que le mot évêque a une connotation que nous, on ne sait pas trop. Mais est-ce que l'apôtre Paul... Il l'utilise probablement différemment parce que c'était pas catholique, les autres. Là. Donc, c'est... Mais dans la religion catholique, c'est sûr qu'il avait la... Il est supérieur en hiérarchie que ce qu'il faisait, il n'y a pas collecté de l'argent. Mais je pense qu'il s'occupait des prêtres s'il y avait des mauvais enseignements. Il recevait des plaintes de paroissiens. Donc, il s'occupait de voir à la moralité des prêtres, à leur fonctionnement. C'est lui qui prenait la décision de changer un prêtre d'une place à une autre. Donc, c'est lui, il veillait plus sur les prêtres, les dirigeants, que sur les paroissiens, parce qu'il ne connaissait pas et il n'était pas en contact avec. Et si un prêtre partait dans une direction non catholique, c'est l'évêque qui aurait dû veiller là-dessus, pour dire, tu t'éloignes de notre croyance, reviens dans la bonne direction. Tu veux-tu dire quelque chose? Oui, non? Bien, moi, je ne trouve pas, on peut en parler. Mais il m'a dit, oui, oui. Faire un peu à Paul avec Timothée. Oui, oui, c'est ça. Donc, Paul lui a jamais été appelé évêque. Ce n'était pas son rôle d'être évêque. Mais il a mis en place des évêques. Donc, lui, il était un apôtre. Donc, étant apôtre, il était plus haut en autorité que les évêques. Parce que c'est les apôtres qui ont mis en place la parole de Dieu. Puis lui, Paul avait eu un mandat clair et direct de Jésus lui-même. Les évêques, non. Les évêques, c'était des gens qui étaient nommés par d'autres hommes. C'est pour ça que lui-même va dire à plusieurs reprises, « Moi, Paul, j'étais un apôtre de Jésus directement. Vous autres, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez été nommés en place par d'autres hommes. » Donc, ça l'enlevait, ça mettait une autorité moins grande que les évêques devaient se soumettre à l'autorité apostolique. Donc, si un évêque partait croche, mais il allait voir l'apôtre pour savoir si l'évêque est accroche. Okay? Mais écoute, les apôtres ont été morts, mais tu n'avais plus d'apôtres. C'est les évêques qui étaient devenus une autorité, mais l'autorité qu'ils avaient, c'est qu'ils enseignaient la parole de Dieu. C'était la seule autorité qu'il y avait. Donc, ils devaient savoir. Là, on allait plus voir Paul, on allait voir ce que Paul avait écrit. C'était comme ça que ça fonctionnait après. Les apôtres étaient morts. Donc, pour les évêques, dans la Bible, souvent on dit ben, un évêque, un ancien, un pasteur, c'est la même chose à peu près. Mais un pasteur... Dans la Bible, il y a juste une place, il y a le mot pasteur dans le Nouveau Testament, juste une place dans l'Épître aux Éphésiens. Ailleurs, c'est le mot ancien qui revient le plus souvent, et le mot évêque 4-5 fois, pas plus. Des fois, on va dire, tu es un ancien, joue le rôle d'évêque. Fait qu'on mélange les. On dit que Paul il dit qu'il va à Éphèse, il appelle les anciens. Pour les voir, il appelle tous les anciens, puis il va les voir pour la dernière fois, à Milet. Et là, il dit, Dieu vous a établi évêque. Pourtant, il avait fait venir les anciens, mais Dieu vous a établi évêque. Donc, c'est un terme. Le mot évêque a plus, l'ancien, c'était aussi, pas juste un titre, ça décrivait. Parce que quand je te dis le mot ancien, tu penses à quoi? Quand tu entends le mot ancien, tu penses à vieux. Je pense à vieux, en général. Je me souviens, quand j'étais à Victoriaville, c'est comme pasteur, lors d'un culte quasiment 40 ans en arrière, quelqu'un m'avait demandé, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? » J'étais un ancien à l'église baptiste à Victoriaville. Je dis, « T'es pas bien, bien vieux. » C'est le genre de réaction normale. Un ancien, ça se posait être vieux. Puis la connotation du mot « ancien » dans les cultures au temps de Paul, c'était la sagesse. Même en Afrique, aujourd'hui, on va appeler l'ancien du village. C'était celui qui était sage, celui qui était là depuis longtemps, celui qui avait les réponses aux questions qu'on avait, on l'appelait l'ancien. Donc, dans la Bible, les anciens chez les Juifs, c'était les dirigeants, c'était les sages, c'était ceux... Puis on s'attendait à ce qu'ils en savaient plus que le jeune. Hein? Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais le mot évêque, il y a une petite connotation différente. Il y a une connotation de surveiller. Il y a des bibles qui ont le même mot dans le grec, on peut le traduire par gardien. Celui qui garde, celui qui veille, celui qui surveille ce qui se passe. Donc, ce qu'on va voir nous autres aujourd'hui, il va parler de la charge d'évêque, puis il va parler de l'évêque. Donc, l'évêque, c'est le titre, la charge d'évêque, c'est ce qu'il va faire. Okay? Donc, c'est plutôt comment il va décrire sa responsabilité. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais pourquoi parler de cela dans l'Épître à Timothée? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'en parler là? Nous, là, on est au chapitre 3, mais vous vous souvenez, il y a eu deux chapitres avant. C'est parce qu'il y avait d'autres personnes qui enseignaient les fausses doctrines. Donc, oui. Alors, ça prenait quelqu'un qui dirigeait l'église de Timothée pour les calmer puis remettre la vérité en base. Oui. Donc, on a vu dans le chapitre 1 qu'il y avait des problèmes dans l'église. Il y avait des personnes, on ne sait pas si c'était des anciens, mais il y avait des personnes qui enseignaient d'autres doctrines. Oups. Donc là, ça, c'était une des choses. Puis on a vu qu'il y avait des gens qui s'étaient attachés à des fables, à des généalogies, à des vains discours, à des discours profanes ou absurdes. Il y a 5-6 termes pour décrire les mêmes choses. Donc, il y avait des problèmes dans l'Église au niveau de l'enseignement. Il y a des choses qui se passaient dans l'Église qu'ils ne reflétaient plus l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc, ça, c'est une des choses que Paul a vues. Vous vous souvenez que Paul était là à Éphèse, il a passé, puis il a vu ça, il a entendu ça, Et il a dit à Timothée, il va falloir que tu restes en arrière, là tu restes ici, pour régler ça, là. Okay? Pour ramener l'Église dans le bon ordre. Il n'y avait pas seulement de la doctrine qui était fausse, il y avait un comportement faux. Il y avait une forme de vie chrétienne qui ne reflétait plus non plus l'Évangile. Parce qu'on agit selon ce qu'on croit. Hein? On parle selon ce qu'on croit aussi, de l'abondance du cœur par la bouche. Donc, ce que j'ai dans mon cœur, c'est ce qui va sortir là. Des fois, on va dire, oh, je ne voulais pas dire ça. Ah, mais tu l'as dit. Et si tu l'as dit, c'est parce que tu as là, en généralement. Tu as peut-être parlé trop vite, mais tu l'avais dans le cœur. Actuellement, c'est rare qu'on dise... Quand tu dis des affaires là, que tu ne sais pas, que tu ne penses pas, il y a un petit problème ici, quelque part. Puis, actuellement, quand ça sort, c'est parce que ça vient du cœur. Mais aussi les gestes qu'on fait. Les gestes qu'on fait reflètent aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est... On va voir que il y a... Ça, c'était là dans l'Église. Des vérités qui ne sont plus des vérités ou ne sont pas des vérités. Puis on a amené des traditions, des généalogies, des phares qui ont influencé un comportement qui ne reflétait plus l'Évangile. Donc, pas les petites fois-fleurs, tu règles ça. Mais tu ne peux pas juste travailler sur le comportement. Ça, c'est la religion. La religion, ça, tu travailles juste sur le comportement. Change ta vie. Va plus là. Fais plus ça. Mange pas ça. Mais tu ne sais pas pourquoi. Hein? Quand j'étais catholique, c'est comme ça. Puis en plus, quand j'étais catholique, c'était en latin, on comprenait encore bien moins. Mais nos parents disaient, fais-le. Fais-le. Puis le curé disait, fais-le. Tu ne comprenais pas trop pourquoi, mais là, il fallait que tu le fasses. Comme quand je suis devenu chrétien, évangélique, on dit, un chrétien, ça ne fume pas. Pourquoi? Ça ne fume pas. Tu ne savais pas trop pourquoi, ça ne fumait pas, mais ça ne fumait pas. Ah, tu étais le temps du Saint-Esprit, puis il y avait toutes sortes d'idées. Ou un chrétien, ça ne regarde pas la TV. Ou un chrétien, ça ne va pas au cinéma. Ou un chrétien, ça ne danse pas, tu sais, avec toutes sortes de petites affaires. Mais on ne savait pas trop pourquoi et qu'est-ce que ça venait faire dans la foi, dans l'Évangile. Mais on nous appelait, vous avez probablement entendu, marche par la foi, même si tu ne comprends pas. Vous avez déjà entendu ça? Oui. La boue de jeudi? Non, malheur à vous. Je l'ai déjà dit aussi. La foi, là, marche par la foi, même si tu ne comprends pas. C'est pas biblique, ça. C'est pas un verset biblique, ça. La Bible, elle nous appelle toujours à comprendre et croire. Pas, si je ne comprends pas, puis je crois, mais ça va pas bien aller, mon affaire. Il faut que je comprenne le mieux que je peux. Puis, habituellement, on va fonctionner avec ce qu'on comprend, et non pas à ce qu'on ne comprend pas. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait des décisions étant jeunes chrétiens, qui ont inversé par la plus tard, ont changé de direction. Et on dit, ah, ben là, on n'avait pas bien compris. On revenait pour recommencer. Mais il dit, le but, il dit à Timothée, le but que je te laisse en arrière, pas le but, la raison que je te laisse en arrière, c'est faux docteur, mauvais comportement, ça c'est la raison. Mais le but est différent. Le but que je te laisse là, c'est que l'Église fonctionne avec un cœur pur, avec une conscience pure et avec une foi pure. Tu vas redresser pour ramener ça dans la bonne voie. C'est pas juste que tu vas le voir, puis tu vas le dénoncer, puis juste. Non, il y a un but avec ça. Donc, je ne vais pas te demander de redresser si le but ultime, c'est pas qu'on va pouvoir aimer Dieu avec un cœur pur. Si ce que je fais, puis j'écoute, puis j'entends, ça ne m'amène pas à faire de quoi, qu'est-ce que ça me donne? Dans absolument rien. Si ça ne change pas, si l'Église, OK, on va se réaligner, là, mais ça ne change pas le cœur, si ça ne change pas la foi, ça ne change pas, ça ne donne rien. Il y a un vieux dicton breton qui dit « Si tu apprends à faire le bien et que tu ne le fais pas, tu perds ton temps. » Tu sais, apprendre quelque chose qui ne peut pas le faire, quand ça donne, tu perds ton temps. C'est inutile. Et apprendre ce que Dieu dit et ne pas le faire, quand ça donne, tu perds ton temps aussi. C'est une perte de temps. Donc, c'est pas... C'est comme vouloir apprendre de la mécanique puis jamais faire de la mécanique. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Oh, ben, je ne sais pas. Et tu dis, mais t'es un peu dérangé. C'est un peu n'importe quoi comme ça aussi. Donc, Quand on va voir le chapitre 3, c'est pour la même raison. Le chapitre 3, de mettre en place des évêques ou des diacres, c'est pour arriver à ça. Donc, dans le processus pour Timothée de ramener l'Église dans la droiture, tu vas mettre en place des anciens. Là, ils vont dire quelle sorte d'anciens, leur tâche et comment ils vont faire. Et tu vas mettre en place des diacres. Ça, on va se poser la question, si ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Mais pourquoi des diacres? Qu'est-ce que ça vient faire? Les diacres, donc, s'occupent juste des tables. Les diacres font juste faire du ménage. Les diacres, qu'est-ce que ça vient faire dans le redressement de l'Église? C'est dans le même contexte, là. C'est la même chose, là. Donc, pourquoi les diacres sont nommés là-dedans? Je me serais attendu qu'elle a parlé des anciens. Hein? Parce que les anciens, les autres, ils vont reconnaître la fausse doctrine, puis ils vont faire ceci, puis ils vont voir ça. Mais les diacres, eux autres, les diacres qui s'occupent de la pelouse, là, ou du bâtiment, ils vont faire quoi dans le redressement de l'Église, lui? On ne sait pas trop. Mais pourtant, il en parle. Donc, on va essayer de trouver pourquoi il en parle. Il y a une raison pourquoi il en parle. Parce que ça fait partie de l'ensemble des deux épîtres. Donc, pour pouvoir redresser l'Église et ramener l'Église dans la vérité et dans une vie d'Église qui est adéquate avec la vérité, donc qui n'a pas un double standard, on dit la vérité, mais on ne le vit pas, ou on vit une vie religieuse, mais pas en accord avec la vérité. Vous avez vu ça quand on a travaillé ensemble dans l'Apocalypse, où ce que Jésus a dit, ta doctrine est bonne, mais ton comportement n'est pas bon. Des fois, il va dire, ton comportement n'est pas bon, et ta doctrine n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est les deux qui vont ensemble, mais il dit, il faut vous enligner les deux ensemble. Donc, c'est le but d'apprendre à connaître Dieu, il y a toujours un but pour vivre pour Dieu. Sans ça, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça ici. Donc, moi, je me suis posé la question cette semaine, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, des questions, j'en ai tout le temps. Si j'avais été à Éphèse, si j'avais vécu dans l'église d'Éphèse au temps de Paul et de Timothée, qu'est-ce que j'avais voulu commencer? Avec ce que je sais de l'église d'Éphèse, là, à ce que je lis, là, okay? Je lis les deux épîtres, je vois qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Qu'est-ce que j'avais voulu, moi, commencer? Qu'est-ce que j'ai recherché, moi, commencer? C'est parce que des fois, sans qu'on s'en rende compte, on a déjà une idée dans notre tête de ce qu'on veut. C'est ça que je vous ai déjà raconté. Raconter, c'est ça. Je vous ai déjà raconté que quand j'étais pasteur à Val-d'Or, on avait demandé aux chrétiens d'écrire ce qu'il attendait que le pasteur était pour faire. OK? Qu'est-ce que vous voulez que votre pasteur fasse? Et là, qu'est-ce que vous appelez, vous, un bon pasteur? Hey, my friend. On aurait travaillé 200 heures par semaine, mais on n'aurait pas eu assez. On faisait à peu près tout dans l'Église. Et je peux comprendre certaines fois que dans les petites églises qui ont commencé dans les années 60, 70 au Québec, il y avait un pasteur qui faisait tout à peu près. Dans une église de 500, de 1000, jusqu'à 5, 6, 7, 8 pasteurs, puis 25 diacres, bien, le pasteur ne fait pas tout non plus. C'est tout en compréhensible aussi. Mais l'idée, vous avez déjà une idée dans votre tête, c'est quoi un pasteur? Moi, tout. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle est biblique, dans mon idée? Est-ce qu'elle est biblique? Mais on va essayer d'oublier la question de mettre en place des pasteurs, mais voir pourquoi est-ce que Paul encourage Timothée à si, il dit dans le verset 1, si quelqu'un aspire à la charge de Paul. Ça, c'est pas, si toi tu désires mettre un ancien en place, voici ce que tu vas faire. Là, il parle plus, si tu aspires, toi, à être un ancien. Puis il va faire la même chose avec les diacres. Si tu aspires à être un diacre, voici ce que je vais te dire. Là, c'est pas dire, toi là, Carole, là, si tu veux te mettre un ancien en place, là, voici ce que tu dois faire. C'est pas tout à fait pareil. OK? La nuance est différente. Là, on dirait plutôt qu'il s'adresse, s'il y a des gens dans l'église d'Éphèse, si c'est des personnes qui voudraient être un ancien, voici ce qui. Pas dans, je vais dire le mot évêque, c'est le mot évêque, qui veut être un évêque, voici ce qu'il va faire. Voici ce qu'il devrait être. Parce que le texte ne nous définit pas tellement la charge, mais il va nous définir la personne. Mais en même temps, en te donnant les traits de caractère ou les capacités de la personne, ça va définir un peu aussi la job. Si dans les traits de caractère ou dans la description chez Marc, il doit être bon en mécanique, ben je m'attends à ce que probablement la tâche va être mécanicien ou réparer des autos ou quelque chose de même. Même si c'est pas marqué en haut. Parce que, ouais, mais c'est un mécanicien en quoi? Un mécanicien de petite tondeuse, un mécanicien de bulldozer? C'est quoi? Là, en décrivant, dans la description, ça va peut-être m'aider à savoir c'est quoi. Mais en même temps, l'épître à Timothée, ou les deux épîtres à Timothée, devraient nous avoir fait comprendre c'est qui va être, qui devrait être là. Parce que, si moi je désire faire de quoi, c'est parce que je vois un besoin. Je désire faire du ménage, parce que j'ai vu que c'était pas, le ménage n'était pas fait. Si je désire, il me semble que on devrait peinturer, c'est parce que tu vois que les murs ont besoin de peinture, parce que tu vois. Donc si j'aspire à une charge, si j'aspire à une tâche, c'est parce que je vois quelque chose. Sans ça, ça ne fera pas de sens. À moins de dire, à l'église là-bas, il y en a, nous autres, des évêques, nous autres aussi, on en veut. On n'a peut-être pas besoin ici, mais on en veut pareil. Mais c'est pas demain que ça marche. Là. C'est que tu vois qu'il y a des besoins et que toi, tu décides que tu aimerais faire ça. Tu aimerais faire ce job-là. Ah bon, OK. Voyez-vous la nuance? C'est un petit peu différent. Donc là, on n'est pas en train d'examiner les autres. On est en train d'examiner nous-mêmes. Parce que en lisant ça, là, un homme qui aspire à la charge d'évêque, en lisant le verset 3 à 7, il va peut-être s'auto-disqualifier. Il va peut-être vous dire, moi, je ne suis pas fait pour la job. Monsieur Alexanian, Monsieur Gazdic, des professeurs que j'ai eus quand j'étais jeune, ils disaient, les petits gosses, si vous n'êtes pas capable de faire ça, changez de métier. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, devenez pas pasteur. Si vous n'aimez pas faire ça, devenez pas pasteur. Si vous n'aimez pas aller dans cette direction-là, ils nous disaient, embarquez-vous pas dans quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire ou vous ne voulez pas faire. Parce que si vous êtes un pasteur, ben vous allez devoir aller voir les croyants. « Ah, ben moi, j'aime pas ça. Oh non, j'aime pas ça, aller voir les croyants. Ah, m'occuper des problèmes des autres, ça ne m'intéresse pas. J'enseigne mes problèmes. » Mais tu n'es peut-être pas appelé d'être un pasteur ou un dirigeant. « Ah, mais j'aime pas enseigner. Moi, ça me tente d'enseigner. » Mais tu n'es peut-être pas appelé non plus d'être un évêque ou un enseignant. Et la description va peut-être m'auto-disqualifier. OK? Mais en même temps, on ne sait pas dans les Épîtres ou dans le Nouveau Testament, on ne sait pas comment les églises mettaient en place les anciens. Ils votaient-tu? Qu'est-ce qu'ils faisaient? On n'a pas d'idée. Les choses qui sont claires, la plupart des évêques ou des anciens mis en place n'étaient pas mis en place par les églises. Ils étaient mis en place par les apôtres ou par les évangélistes comme Timothée. Ou comme titre, on va dans le titre de titre. Nous, on est dans une société démocratique, puis on veut voter. On veut avoir un droit de regard sur qui va nous diriger. Mais c'est nouveau, ça, la démocratie. Dans le temps des rois, ça n'existait pas, ça, c'était la monarchie. Ben, le prince Charles, as-tu voté, le prince Charles? Ou le roi Charles? On n'a pas voté, pourquoi? Ça n'a pas rapport avec nous autres. Il faut peut-être foutre ça un sang royal pour avoir le droit d'être un roi. Donc, tu n'avais pas de droit à ça. Dans des pays où tu as des dictatures ou des choses de même, tu ne votes pas non plus. Là. Tu ne votes pas, ça ne marche pas. J'ai déjà prêché, mais dans le ciel, il n'y aurait pas de démocratie. Dans le ciel, il y a un Dieu qui parle et les gens font ce qu'il dit. n'y a pas de démocratie. Dieu ne nous demande pas de voter sur ce qu'il dit. Là. Dieu n'a pas des lois. Dieu dit, acceptez-vous la loi que je propose, là? Dieu n'agit pas comme ça. Dieu donne la loi, puis c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre chose. Dans l'Apocalypse, c'est ça qu'il va dire dans Tite. Il va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en place des anciens. Moi, je m'étais aperçu à un moment donné, dans mon travail en tant que pasteur, qu'on demandait à des chrétiens de voter sur des anciens, puis ils ne connaissaient même pas les anciens. Ils ne connaissaient même pas. Ils n'avaient jamais parlé avec, ils n'avaient jamais fait rien avec, ils l'avaient vu de temps en temps là, dans l'église, puis ils devaient voter. Ça ne va pas, là. Ça ne savait pas. On ne connaît pas le gars. Et des fois, on les votait, puis un an après, deux ans après, je n'aurais peut-être pas dû voter. Là, on l'apprenait à le connaître tranquillement, puis on dit peut-être qu'il n'est pas appelé à ça. C'est peut-être qu'il n'est pas appelé à ça. Puis, je ne dis pas que c'est mal ou péché, c'est qu'il faut réaliser que si je veux mettre en place quelqu'un qui va être capable de reprendre et de diriger, de ramener dans la vérité, il faut que ce soit quelqu'un qui a la capacité. On n'a pas le choix. Qui va savoir si tu as la capacité? Ça prend quelqu'un qui le sait déjà. Parce que toi, tu ne peux pas demander à un jeune chrétien de te mettre en place pour défendre la foi s'il ne sait pas c'est quoi vraiment la foi encore. C'est un peu ridicule. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on vote ou qu'on fasse ça. Mais il faut se mettre dans notre tête que c'est peut-être pas la meilleure ou la seule façon de faire les choses. Donc, le verset 1, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Cette personne, cette parole est certaine, donc c'est un absolu. C'est quelque chose de vrai, quelque chose qu'on ne peut pas débattre. Cette parole, ce qui va déclarer par après, cette parole est certaine. Moi, j'appelle ça un absolu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux débattre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux varier. Ce n'est pas quelque chose que tu peux... dire, bon, on va faire des amendements à ça. Non, non, c'est une parole certaine. Et quelle est cette parole? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres traductions dans vos mains? Gisèle, je sais que tu en as une différente. Vas-y donc. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'Église, il désire une belle tâche. Une belle tâche. OK. D'autres, une œuvre excellente ou une belle tâche. Et lui, toi, tu sens, dans ta première partie, il met la. C'est le désir. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant. OK. Donc, il parle de fonction. Nous, on va parler plutôt de charge. Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que dans le verset 2, il dit. Donc, l'évêque, là, il parle du titre, l'évêque. Si c'est une charge d'évêque, le gars, on l'appelle l'évêque, bien entendu. Si c'est une charge de mécanicien, bien, ça va devenir un mécanicien. Donc, la charge d'évêque, il va parler, voici ce que... Si tu désires faire ceci, si tu veux faire cela, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose d'important, oui? Moi, ça me dit, il désire une belle activité. Belle activité. Ah, ouais, belle activité. C'est bon, ça? Ah, ouais. Une activité sportive. Non, dans le temps, la activité, c'est... Mais c'est correct, c'est le mot œuvre, là, c'est le mot activité, c'est œuvre. Mais le mot aspirer, c'est le nom qui a le mot désirer, souhaite. Tu souhaites faire quelque chose. C'est une charge. Puis le mot évêque, comme on le dit, c'est une surveiller. Si tu désires, si tu aspires à être celui qui va veiller et surveiller, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas juste un poste, là. Ça définit un peu le poste ici. Charge d'évêque, c'est ce que tu vas faire. Puis là, si tu désires faire ça, on va te donner le nom d'évêque. Parce que tu vas faire... Si tu aimerais t'occuper des brebis, on va t'appeler comment? Berger. Okay? Si tu désires veiller, surveiller, garder, ben on va t'appeler gardien, on va t'appeler évêque. Mais ça ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'il doit faire. dans le verset. Si j'isole le verset, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais si je lis les deux épîtres à Timothée, je sais ce qu'il va avoir à faire. Je le sais. Mais des fois, on ne connaît pas les deux épîtres, puis là, on dit évêque, ça veut dire pasteur. Donc, je sais c'est quoi un pasteur. C'est le dimanche matin, il prêche 45 minutes, 50 minutes, puis il assiste à des conseils d'église, là, puis des fois, il va diriger les chants, s'il sait chanter un peu. C'est ça qu'on a dans notre tête. Moi, il y a un chrétien qui est venu me voir, il dit, François, tu as une belle job en sacrement, toi. Il dit ça comme ça, en sacrement. Il dit quoi? Comment ça? Ben, tu travailles juste deux heures par semaine. Juste le dimanche avant midi, deux heures, c'est fini. J'ai dit, ah, OK. C'est, oui, sa compréhension de pasteur est un petit peu différente. OK? Donc, il avait son idée déjà dans sa tête, lui, là. Quand j'ai fait mes cours, il disait dans une église de 150, 200, 250, 300, bon, personne, les chrétiens se votent un administrateur. Parce qu'ils sont assez intelligents, les chrétiens, pour savoir que le gars qu'on va voter, là, je vais le voir peut-être une fois par année, pas plus chez nous dans ma maison. Là. On va le voir le dimanche matin, deux heures, comme mon frère dans la foi disait. Mais il dit, dans la semaine, je ne le vois pas, le gars, moi. Plus l'église est grosse, moins tu es voué souvent. Bien entendu, ils ne peuvent pas visiter tout le monde. C'est vrai, il va y avoir plusieurs. Là. Mais ils sont voués plus souvent. Hein? Mais ils sont voués plus souvent. C'est parce que tu es un trouble. Tu es un trouble dans l'église si toi tu le vois plus souvent. Si ils viennent voir qu'on va faire par semaine, c'est parce que tu as un trouble à quelque part. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Plus c'est gros, moins tu as le temps d'aller voir chaque personne individuellement. Dans vos églises, vous avez été, mettons, on était à Victo, là, vous avez été à Victo pendant des années. Combien de fois par année le pasteur allait chez vous? Manger avec toi. Il y a des chrétiens qui ne le voyaient même pas une fois. Là. Donc quand tu le votes, pourquoi tu le votes? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La plupart du temps, c'est ce qu'il va faire le dimanche matin. C'est ça que tu fais, là. Ah, il prêche bien. Elle l'aime bien, il prêche bien. C'est ça qu'on voit en général du pasteur. Donc, il faut s'enlever cette idée-là de la tête, parce que c'est pas tout à fait ça dont Timothée parle ici. Paul parle à Timothée. Parce que dans Timothée, c'est qu'il va falloir qu'il aille parler, reprendre les vieux, les jeunes, les vieillards, les vieilles femmes. Il va falloir qu'il aille voir les faux docteurs, les reprendre devant tout le monde. Et là, c'est tout d'un coup, ça devient plus que deux heures. Ça devient plus que deux heures. Parce que le mot gardien, ça l'implique quoi, le mot gardien? Si le mot tu surveilles ton jardin, ça veut dire quoi? Si tu surveilles ta maison, ça veut dire quoi? Ça ne marche plus qu'il n'arrive rien. Oui. De négatif, de mal, de la protège. Ça veut dire que ça l'est déjà arrivé. Si tu n'as jamais eu connaissance de rien, tu n'as pas vraiment. Moi, j'ai jamais passé. Mais toi, tu ne passes jamais au feu, là. Excuse-moi. Non, on n'a pas tendance à se prendre de l'assurance pour le feu, OK, parce que tu n'as jamais eu de problème. Mais c'est parce que tu connais qu'il y aura un risque d'avoir ça. Donc, pourquoi tu attaches ton vélo à plein de poteaux de téléphone? C'est parce que tu sais qu'il y a une possibilité que tu te laisses voler ton vélo. Donc, si tu te dis, je vais surveiller ma maison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'incite à faire ça. Et si tu dis, je vais surveiller, parce qu'ici dans le texte, c'est surveiller l'église d'Éphèse. Non, on ne parle pas d'autres choses, on parle juste d'Éphèse ici, là. Si tu aimerais surveiller l'église d'Éphèse, si tu aimerais garder l'église d'Éphèse, tu désires une œuvre excellente. Tu désires quelque chose de grand. Attention, c'est pas grand à cause du poste que tu as. Parce qu'on va voir que les diacres aussi désirent une œuvre excellente. OK? C'est à cause de qui tu le fais et pour qui tu le fais. C'est ça qui fait la différence. Parce que tu vas faire ça pour Dieu, n'est-ce pas? Tu vas œuvrer pour Dieu, tu vas être un serviteur de Dieu. Donc, c'est quelque chose d'important que tu vas faire. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, le diacre qui fait bien sa job a une grande honneur. Donc, il n'y a pas juste les anciens ou les évêques, qui ont une job honorable. C'est tout le monde dans la job la plus honorable de l'Église, là, c'est être évêque. Toutes les autres, vous êtes subalternes dans le corps de Christ. Ça ne marche pas avec la Bible, hein? Ça ne fait pas avec la Bible, ça. Dans notre tête, ça ne marche pas, là. Non, non, on est tout important pareil dans le corps de Christ, là. Donc, pourquoi ici? Pourquoi qui dirait, si tu es un évêque, c'est toi le plus haut placé, c'est toi la job la plus importante? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais c'est important à cause de ce que tu es en train de faire. Tu vas veiller, tu vas surveiller, tu vas garder l'Église. Là. Tu vas t'être. Et ça, c'est différent qu'avec l'intention de je cherche un job, je veux travailler, ou je veux être un enseignant. Oui, oui, on va voir qu'il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Mais il faut qu'il soit. Parce que la job qu'il prend, c'est la job de surveiller. C'est pas juste d'enseigner, puis après, tu m'envoies chez nous, puis c'est fini. Je vais surveiller. Donc, si tu désires ça, si quelqu'un aspire à cette charge-là, si tu n'aspires pas, mais tu ne vas pas, ça ne t'intéresse pas, tu n'aspires pas à ça. Et là, il dit au verset 2, donc. Vous vous souvenez que ça veut dire quoi, donc? Ça suit en conséquence. Vu que tu aspires à cette job-là, à ce travail-là, à cette œuvre excellente-là, donc, il va falloir que tu sois capable de la faire. Il va falloir que tu sois apte à la faire. Il va falloir que tu désires la faire. Et là, je vous dis, avant d'aller plus loin, la description des diacres est quasiment identique. Acceptez le mot propre à l'enseignement qui est un petit peu différent. Donc, ça veut dire que les diacres sont aussi importants que les anciens, parce que la description est aussi importante. Et alors, on va peut-être dire, ah, ça c'est pour les gars, parce que nous autres, on est des filles, puis on n'est pas appelés d'être évêques. Mais les diacres, s'ils ont la même description de tâche, pas la même description, mais la même description de personne, ça veut dire que si tu veux devenir un diacre, il faut que tu sois aussi mature, ou aussi avec Dieu, puis tu vas servir aussi Dieu aussi. Là. Donc, ça ne fait pas de différence. Nous, moi, j'ai été élevé avec l'idée que l'ancien, c'était, ou l'évêque, c'était le meilleur chrétien de la gang. T'sais. Les diacres, mais c'est les deuxièmes meilleurs. Puis après ça, c'était les ordinaires. On les appelait les laïcs. Mais c'est pas tout à fait, parce qu'on va peut-être voir ensemble qu'on est peut-être tous appelés au diaconat. On est peut-être tous appelés à être des diacres jusqu'à un certain point. Dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc, les standards ne sont pas moins hauts pour le diacre que pour le pasteur, ou l'enseignant, ou l'évêque. Donc, si tu aspires à ça, voici ce qui va en découler. Parce que tu vas. C'est pareil comme si j'ai posé la question à Guy Lavoie cette semaine. J'ai dit à Guy, si toi tu fais une présentation, tu es génératrice de roman, tu mets un poste, le poste que tu mets en place, ensuite tu vas donner la description. Les critères ce que tu veux avoir de la personne, bien, ça va refléter la tâche. C'est la tâche qui détermine les critères. Les qualifications. C'est pas l'inverse. Ben moi, gars, j'ai beaucoup de diplômes aussi, là. J'ai beaucoup de diplômes. Mais oui, c'est bien beau tes diplômes, mais ça ne convient pas avec la tâche. C'est pour ça qu'il a parlé de la tâche avant de parler des qualificatifs. La charge d'évêque va impliquer certains qualificatifs. Sans ça, ça ne fera pas de sens. J'ai un qualificatif, mais je ne conviens pas à la job. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un doctorat en chimie. Moi, ça n'a rien à faire avec. Moi, j'ai un doctorat en informatique, j'ai besoin. Ça ne fera pas l'affaire. Donc, c'est pour ça que c'est important ici qu'on réalise bien que l'auteur a bien parlé de la charge d'évêque avant de parler des qualificatifs qui vont venir en arrière. Okay, donc, si tu aspires à ça, tu aspires à quelque chose d'important, parce que tu vas œuvrer dans la famille de Dieu, tu vas œuvrer dans le temple de Dieu, tu vas œuvrer avec le troupeau de Dieu, avec le peuple de Dieu. C'est ça qui fait que c'est excellent. C'est pas t'as un job plus important. Non, c'est pas plus important. C'est juste que le diacre aussi, ça va être important. Parce que ça fait partie. Tu travailles dans l'œuvre de Dieu. Tu es un diacre, tu es un ministre, tu es un serviteur de Dieu parmi son peuple. C'est aussi important que d'autres choses. Et c'est la seule raison que je vois pourquoi il parle des deux, une après l'autre. Parce que s'il avait juste eu l'idée, les fausses doctrines, il aurait parlé juste des anciens. Il y avait plus que ça. Il y avait plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et là, avez-vous remarqué qu'il y a « il faut, il faut, il faut, il faut » Je ne sais pas si votre Bible dit, avez-vous tout le mot « il faut »?« Il faut donc » Il y en a au moins cinq. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois que le « il faut » sépare ou met ensemble différents qualificatifs ou vertus ou capacités. « Il faut », là, il nomme 4-5 affaires. Là, il arrête, puis il dit « il faut » une autre fois, puis là, il sort encore 4-5 affaires. Après ça, il dit « il faut », il faut qu'il dirige sa maison, il faut qu'il y ait un bon témoignage de l'extérieur. Donc, il sépare, il met comme des, comment j'appellerais ça, des conditions. Non, c'est il rassemble ensemble. C'est comme, je dirais, mais pour faire ce job-là, là, du côté éducation académique, tu fais ça. OK, donc ça, c'est le côté académique. Après ça, il faut que tu sois l'expérience. Ben, il va te donner un autre paragraphe sur l'expérience. Après ça, un autre, ça va être quoi? Ben, il va donner des. Il va rassembler des choses dans le niveau, mettons, académique, rassembler des choses. Là, il va avoir un domaine, verset 2, puis ça, un autre domaine, verset 3, puis un autre domaine, verset 3 et 4. Il va donner des. Il va rassembler les différents qualificatifs. Le premier rassemblement qu'il fait, c'est pas ce que vous avez. Moi, la première fois, vous allez rire, je suis sûr, vous allez rire. La première fois, j'ai enseigné comme sur la fonction d'ancien. C'était à l'église de Victoriaville, en 1986-87. Quand j'ai eu fini, ils m'ont enlevé ma job d'ancien. C'est drôle, hein? Il y a un frère qui est venu me voir après, il dit, tu as mis les standards tellement hauts que tu n'étais pas capable de la faire toi-même. Puis il avait raison. C'est parce que j'avais mis les fonctions juste du côté moral. Ça prenait quasiment quelqu'un de parfait pour être là. Il avait bien vu que je n'étais pas parfait non plus. Parce que si tu penses juste au côté moral, la bonne personne, une vraie bonne personne, c'est très difficile à savoir qui est capable de faire ça. Mais en même temps, c'est pas non plus à cause de la tâche à faire. Mais on va comprendre, à cause de la tâche, ça ne peut pas être un jeune croyant. On comprend ça facilement, là. Ça ne peut pas être un jeune croyant parce qu'il faut qu'il défende la foi à différents niveaux. Il ne peut pas être un jeune qui commence. Ben, ça, on le saisit facilement. Donc, et là, le verset 2, lui, il rassemble différents critères ou qualifications irréprochables. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Ça, il met ça tout dans un bloc. Ça a ce rapport d'être ensemble. Je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas mis propre à l'enseignement avec le deuxième, il faut? Pourquoi il n'a pas mis propre à l'enseignement avec le dernier? Il le met avec le premier, avec un groupe de d'autres choses. Comme irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Moi, j'ai vu des hommes être présentés comme évêques dans une église, ou comme anciens, ou comme pasteurs, puis on prenait une de ces critères-là pour le disqualifier. Ah, il n'est pas marié juste d'une seule femme, il a déjà été marié, il a marié et divorcé, il ne peut pas être pasteur ici. Voilà, on l'enlève. c'est éliminé. Tout le reste dans du texte, on l'oublie. Mais il n'est pas là. Il a déjà, il a marié et divorcé. Donc, tu ne peux pas être pasteur. Montagne. Tu ne peux pas être pasteur. Tu peux rester à l'église. Puis, on avait toutes sortes d'idées là, là-dessus. Là. Mais si vous regardez l'ensemble, ça vous dit quoi? Prenez pas les qualificatifs individuellement, mais l'ensemble. Irréprochable, mari d'une seule femme, il y en a-tu qui ont d'autres choses que sobre? Moi, j'ai le mot sobre et modéré et réglé dans sa conduite. Il y en a-tu qui ont d'autres mots? Sobre, raisonnable et convenable. Sobre, quelqu'un qui est sobre, c'est. Si on dirait. Michel s'habille sobrement. Ça voudrait dire quoi? Simple. Façon simple, ordinaire. Il passe pas. C'est pas lui qu'on voit dans la foule le premier. Parce qu'il est sobre dans son habillement. S'il est exagéré, là, il est extra. Là, il a des couleurs roses, puis rose, puis vert, puis bleu, puis là, tu dis ouh, wow! Là, tu vas le voir venir dans la foule. Il sera pas sobre, c'est ce qu'on veut dire. Il est raisonnable, il est modéré, c'est un homme ordinaire. C'est pas lui qui attire les premiers regards dans la foule. Qu'est-ce qu'il veut dire par mari d'une seule femme, hospitalier? Pourquoi le mot hospitalier là-dedans? Il a propre à l'enseignement. Donc c'est propre à l'enseignement. Nous, on veut dire, est-ce que ça veut dire bon enseignant? Ou ça veut-tu dire docteur en enseignement? Que ça veut dire quoi? Il est capable de défendre la foi. Oui. Ouais, apte à l'enseignement. Oui, ça pourrait mettre apte. Donc, ça met une capacité là, jusqu'à certains points. Mais pourquoi l'avoir mis dans cette gang-là? Est-ce que les premiers critères, c'est ça qui fait qu'il est propre à l'enseignement? Il pourrait-tu avoir un don d'enseigner, mais pas apte à être évêque? Parce qu'il n'y a pas les autres critères. Il n'est pas ça, il n'est pas modéré, il n'est pas mari d'une seule femme, et même s'il est capable d'enseigner, parce que tu peux avoir une capacité d'enseigner, puis tu peux être un évêque. Là. Mais qu'est-ce qui le rend propre à l'enseignement? C'est-tu juste une question de capacité intellectuelle ou capacité d'orateur? Ou si ce qui le rend propre, ça serait les premiers critères? Parce que si tu ne fais pas ce que tu dis, même si tu le dis, ça ne marche pas fort. Si tu dis aux gens, c'est par là qu'il faut aller, puis quand tu pars, tu t'en vas sur l'autre bord, ils ne te créeront pas longtemps. Là. Donc, c'est pas juste la capacité, c'est cette capacité-là est accompagnée de d'autres choses. Je me suis posé la question, pourquoi il avait mis le mot hospitalier là? Et c'est, il aurait dû dire, sa femme doit être hospitalière. Mais c'est le pasteur qui doit être hospitalier. C'est l'évêque qui doit être hospitalier. C'est le pasteur qui doit l'être, pas sa femme. Ça veut dire que sa tâche va l'emmener à recevoir des gens, visiter des gens ou recevoir des gens. Et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il est marqué comme ça, je vais vous donner ma raison, c'est peut-être pas la bonne, selon vous autres, mais je pense que c'est la bonne. Mais... À cette époque-là, la plupart du temps, les églises étaient dans les maisons. Ils n'étaient pas dans une bâtisse à quelque part, 2 heures par semaine. C'est pour ça que Martin Luther, si vous avez lu sa vie, quand il s'est converti et qu'il a voulu commencer à enseigner, ils ont été obligés de grandir la maison, il est venu 4, 5, 6 étudiants vivre avec une autre 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'était comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Donc, c'est vrai que la madame devait s'adapter aussi, là, les autres enfants aussi, là. Mais c'était comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Comment veux-tu être un enseignant ou d'être un ancien si tu n'es pas prêt à recevoir les gens et les travailler avec eux autres, les former, les diriger? Donc, ça devait prendre un peu d'hospitalité dans ce sens-là. Donc, il y a des chrétiens ou des gens aujourd'hui qui sont pasteurs. Je n'ai vu un homme qui a été disqualifié, on l'a enlevé de son poste parce qu'il n'était pas hospitalier. Il recevait quasiment jamais le monde chez eux. Ce n'était pas un gars qui voulait aller voir les gens vraiment, mais il était un bon enseignant. Il enseignait, il connaissait l'hébreu, il connaissait le grec. C'était un homme vraiment capable d'enseigner, mais il n'était pas hospitalier. Et l'Église l'a enlevé de son poste avec le temps. Donc, voyez-vous, c'est un ensemble. Moi, j'appelle ça, j'ai appelé ça au premier regard. Au premier regard, c'est un bon gars. Au premier regard, un gars modéré, un gars sobre, un gars qui a une conduite convenable. C'est pas un fou, c'est pas un bum, c'est pas un gueulard, c'est un homme ordinaire. Moi, j'appelle ça ordinaire, sobre. Combien d'hommes ont été disqualifiés? J'en connais, vous en connaissez peut-être. Parce qu'il avait, c'était marié, il avait été déjà divorcé. Se sont remariés après ça, des fois avec des chrétiennes, ou des fois se sont remariés avec une femme divorcée et étaient disqualifiés automatiquement par les églises, par l'association. Dans l'association, je ne pense pas que ça a changé, mais peut-être que oui, mais je ne penserais pas que si tu mariais une femme qui avait été divorcée, ou si toi-même tu avais déjà été divorcé, tu ne pouvais pas être un pasteur reconnu dans l'association. C'est automatique. On va pas le battre. Parce qu'on connaît ce texte-là ici, là. Mari d'une seule femme. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, pour Paul? Ça voulait-tu dire qu'il n'avait pas eu un autre avant, qui était mort, mettons? Puis là, il s'était remarié avec une sœur dans l'église. Il n'y a pas de la polygamie dans ce temps-là? Oui, mais la polygamie, c'était pas la grosse norme, là, à ce moment-là. Mais peut-être qu'il y en avait. Oui. Même si tu le mettrais là, le fait qu'ils disent qu'il n'y en a rien qu'un, si tout le monde en avait trois, ça aurait été ordinaire. Si tu dis juste une, c'est-tu parce que Dieu a dit qu'il va en avoir rien qu'une, c'est-tu ça? C'est un gars obéissant à Dieu. Moi, je crois que ça fait partie de l'ensemble du gars ordinaire de cette époque-là. Ça veut dire que la polygamie n'était pas ordinaire, n'était pas spéciale. Okay? Il n'avait pas. Chez les Juifs, la polygamie, c'était juste parmi les gens très riches, les gens qui étaient capables d'en faire vivre 3, 4, 5, 6 femmes au 1000, comme Salomon. Mais en généralement, l'homme que tu veux voir pour te diriger, mais pour être avec sobre, modéré, réglé, il y a juste une femme comme l'ensemble des gens. Faut pas le pousser à l'extrême de dire si elle était déjà mariée, c'est pas si, c'est pas ça. Moi, je crois que. Il y a des hommes qui ont été divorcés dans le passé avant d'être chrétiens, puis il y en a qui ont marié des femmes divorcées en tant que chrétiens aussi. Ils sont des bons enseignants, des bons pasteurs, des bons surveillants. Ils peuvent surveiller l'Église. Mais puis il y en a qui ont été mariés juste avec une femme, puis ils ne sont pas automatiquement capables non plus de surveiller. Donc, je crois que ici, ce qui le rend propre à l'enseignement, ce n'est pas juste sa capacité. Oui, il doit être capable d'enseigner. Ce qui le rend propre, c'est l'ensemble de sa vie. Monsieur Phillips, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il me semble que c'est M. Phillips qui nous avait dit ça. Il dit, quand il y a un temps de difficulté, un temps de crise dans un groupe, là, ce n'est pas juste une église, n'importe quel groupe. Quand la crise est là, regardez qui les gens regardent. C'est lui le leader. Qu'il le titre ou pas. Si on dirait, il y a un auto qui ne part pas dans la cour, on se retourne tous vers Michel ou vers Gaétan. Vous ne regardez pas François personne. On ne regarde pas Denise non plus. On regarde les gars qu'on sait qui sont mécanos. Mais si on dirait qu'il faut faire une paix de pantoufles, on leur regarderait peut-être Denise. On dirait, OK, on ne regarde pas François non plus, on ne regarde pas Gaétan. Mais voyez-vous, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui. Mon frère, Jean Michel, il a toujours été le. C'est un pivot des gars, mais il s'est toujours été le sage. Quand on avait des difficultés, tout le monde allait voir Michel. Tout le monde allait poser la question à Michel. Tout le monde posait, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Même mes parents, à la fin, ils posaient la question à Michel. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Michel, prenons en charge les questions d'argent là, pour les parents. Là. Il était reconnu comme un homme sage. Puis même quand il était employeur, ses employés aimaient être avec lui travailler. C'était un homme sage, un homme qui était facile à travailler avec. Donc, moi, j'appelle ça, au premier coup d'œil, on dit que la vie ne fait pas de moi, mais... Ça nous donne, hein? Ça nous donne une idée. Quand tu regardes quelqu'un et que tu as une mauvaise impression en partant, là, c'est dur à enlever, hein? C'est dur à enlever cette mauvaise impression-là que toute la personne. Et je crois qu'ici, c'est pas... remarquez bien, c'est pas juste ce que toi tu vois, c'est que tu dois premièrement te poser la question, c'est ça qu'il veut faire? Et veux-tu consacrer sa vie à faire ça? Pourquoi il voudrait faire ça? Pourquoi il voudrait prendre ce job-là? Pourquoi il voudrait prendre la responsabilité de surveiller un troupeau? C'est une bonne question à se poser. Hein? Et est-ce que toi, tu lui dirais, oui, prends la charge, non, fais confiance, ouais, t'es correct, t'es bon. C'est pas toujours que tu connais tout, c'est à premier abord, du moins. Ça va te donner une bonne idée que, faut pas que tu te fies seulement à tes feelings, là, mais ça va te donner une idée quand même. Puis M. Gazic, là, je dis ça des affaires de même parce que c'est des expériences que j'ai vécues. M. Gazic m'avait dit une fois, je parlais avec lui d'une église avec laquelle je travaillais. Il dit, François, il dit, tu ne seras jamais le pasteur des brebis qui ne te veulent pas comme pasteur. S'ils ne veulent pas t'avoir, ils n'ont pas mis un X à côté de ton nom. Ils n'ont pas voté pour toi. Chante pas sur les autres parce que ce n'est pas des gagnés. Ils ont dit non avant que tu commences. Ben, c'est dit, faut t'acceptes, ça va être demain. C'est pas tout le monde qui va vouloir. Pas tout le monde qui va vouloir. Mais sa majorité veut, c'est ça qu'on veut, c'est la majorité qui veut, c'est ça qui est important. Donc, la première chose, c'est pas quelqu'un qui fait juste capable d'enseigner. C'est quelqu'un qui a une vie qui est coordonnée avec son enseignement. Il vit, c'est un homme qui semble vivre la vie chrétienne. Mais il est capable de partager sa foi, il est capable de te diriger, il est capable de répondre à tes questions que tu lui poses, il est capable à dire « Oups, je pense qu'on s'éloigne. » Mais c'est pas le grand orateur. C'est pas peut-être, il est peut-être capable d'être un grand orateur. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, quand John MacArthur est dans une église de 10 000, la moitié de l'Église qui n'a jamais été voir chez eux, là, c'est pas plus même. Qu'est-ce qu'ils aiment de John MacArthur? C'est l'heure du dimanche matin. C'est ça qu'ils aiment, parce qu'ils enseignent, puis ils aiment l'enseignement. Et ça reflète la grosse Église qu'il y a là à ce moment-là. Mais dans les petites églises, maisons, c'est une autre histoire. Hein? On voit plus qu'on est juste assis en rond comme ça. On voit un peu plus. OK? C'est plus facile de discerner et de dire oui, j'aimerais, oui, j'aime pas, dans ce sens-là. Moi, j'appelle ça extérieur. Mais toujours bien. Le gars, tu penses qu'il est capable. Le gars, lui, il pense, là, le gars qui dit moi, j'aspire, il pense qu'il est capable de surveiller le troupeau. Il pense qu'il est capable. Puis il pense qu'il peut. Sa vie concorde avec ce qu'il va enseigner. Il pense qu'il est capable. C'est vrai que là, toi, tu vas falloir que tu regardes ça aussi, là, si jamais tu décides que tu veux le suivre, ce gars-là, puis tu veux qu'il soit le leader dans ton église ou un évêque dans ton église. Mais je crois que le gars, lui, doit savoir si c'est ça qu'il lui veut faire, premièrement. Puis qu'il se voit qu'il est comme ça. Deuxième « il faut » verset 3. Là, il approche un peu négatif, il dit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. » Oh! Là, il met tout ça dans le même petit cœur, quoi. Il faut. Si on les sépare toutes, là, ben on commence, puis on est... Mais essayez de les voir dans l'ensemble avant, de trop les décortiquer. ni à donner au vin. Ça veut-tu dire qu'il ne prend jamais de vin? Non. Non, non. Il n'est pas à donner. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours avec une bouteille dans les mains. Il y a pas tout... Chaque fois que tu arrives chez eux, il y a toujours une coupe de vin dans les mains, puis il est toujours en train de te parler avec une coupe. Tu te dis, ah, ouais, ça peut être une bière, ça fait la même chose qu'une bière. Tu dis, il n'est pas tout à fait. C'est pas un alcoolique, on dirait, en québécois. Il n'est pas esclave de la boisson. Il n'est pas. Parce que ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire quelqu'un qui. Si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment. Qui a un problème avec la boisson, ça reflète quelque chose d'intérieur. Un problème intérieur, ça. C'est pas juste qu'il aime la boisson pour aimer la boisson comme quelqu'un aime le jus d'orange. Ça comble un autre besoin à l'intérieur, la boisson. C'était à donner à la boisson, je parle. Puis ensuite, il dit, il n'est pas violent, mais il est indulgent, il recherche la paix, il est pacifique, puis il est désintéressé. Est-ce qu'il y a un gars qui va être un évêque, qui va avoir la charge d'évêque, doit être comme ça? Est-ce qu'il doit être de même pour faire sa job? C'est ça que tu dois te poser comme question. S'il doit reprendre, s'il doit corriger, s'il doit ramener, s'il doit débattre des points avec des gens, est-ce qu'il doit être comme ça? Ben oui. S'il arrive à la discussion au conseil avec une grosse pinte, ou avec une bouteille de vin, puis ça tu dirais, la discussion va être peut-être un peu difficile. S'il est un homme violent, c'est pas non plus. Mais s'il n'est pas indulgent, puis comprendre que les gens ne sont pas tous rendus au même niveau, s'il n'est pas indulgent pour voir que l'erreur fait partie de l'apprentissage, on a tous fait des erreurs, puis on a tous changé nos directions, hein? On a tous changé depuis qu'on est devenu au Seigneur. Mais le gars que tu vas aller voir, est-ce que tu vas être capable d'être indulgent avec les autres? Sinon, ben, tu n'es peut-être pas à bonne place. Puis chercher la paix, d'en discuter avec la paix, d'être capable de débattre des idées. Parce que, souvenez-vous, dans les deux épîtres, l'Église est en conflit. L'Église le job, c'est de ramener l'Église à la bonne place, ramener l'Église dans la vérité. Il faut que tu aies des capacités pour faire ça. Si tu n'as pas de capacité de faire ça, oublie ça. Puis désintéressé. Donc, il dit, tu veux la job, tu veux faire la charge d'évêque, mais ce n'est pas pour ton intérêt personnel. Tu es désintéressé. Tu n'as pas un intérêt personnel à ça. Ça veut dire, je le fais parce que je crois que je suis capable de le faire, je crois que j'aimerais le faire, je crois que je peux être utile à le faire. Et ça, c'est la question. Et la personne qui va regarder cet homme qui aspire, Timothée qui va regarder cet homme-là, qui aspire à... Parce qu'on va le voir dans les deux épîtres. Il y en a qui le font pour l'argent, il y en a qui le font pour la gloire, il y en a qui le font pour toutes sortes d'affaires. Et on va voir que Timothée dit, il y en a qui le font pour des raisons, et ils se sont détournés de la foi. Rappelez-vous, c'est toujours pour ramener dans la foi. C'est toujours pour garder l'Église dans la foi. Il dit, il y en a, à cause de leur désir financier de la job, se sont détournés de la foi. Vous, c'est que, mais pas un gars-là qui est intéressé, parce que son intérêt, c'est peut-être pas la foi, il y a peut-être d'autres choses. Donc, il faut qu'il soit désintéressé là-dedans. Donc, moi, j'appelle ça plutôt le côté intérieur, le côté du cœur. Là, tout à l'heure, c'était plutôt l'apparence, le premier coup d'œil, mais ensuite, tu vas évaluer les motifs. Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi tes buts? Puis es-tu capable de le faire? Si tu es un homme qui n'a pas ces capacités-là, qui n'a pas ces critères-là, tu devrais, si tu es sage, te disqualifier toi-même. Je ne suis pas capable, moi, je m'emporte, puis je crie dessus, puis je ne veux rien savoir. Donc automatiquement, ça devrait faire ça. Ça, c'est la deuxième gang de « il faut ». C'est, je vous le répète, la personne qui désire devrait être la première à s'évaluer. La personne qui aspire devrait être la première à s'évaluer. Okay? Et ça veut dire que ben, le deuxième, ça va être qui? Dans notre texte, ça va être Timothée. Dans notre texte, ça va être Timothée qui va évaluer le gars. Là. Et toi, tu aspires à ça, tu vois-tu que tu as ces critères-là, tu vois-tu que tu as ces capacités-là? Selon moi, oui. Mais nous autres, moi, Timothée, là, je te regarde et je pense que tu les as pas. Là, la semaine passée, je suis allé te voir et tu m'as tiré une roche. Quand j'ai vu te dire quelque chose, tu m'as tiré une roche. T'es pas pacifique, t'es pas exigeant. Je sais pas, tu sais, OK? Puis la troisième, il faut. Là, on va voir un autre. Donc, selon les deux, je recule d'un pas. Selon les deux premiers, il faut. Ça nous dit quoi de la job? Ça nous dit quoi, là? Si on veut dire, mais qu'est-ce qu'il va faire, ce gars-là? En tout cas, il va être en relation. Il va être en relation avec les gens, puis il est capable. Il a une capacité d'enseignement. Donc, sa vie le rend propre à l'enseignement. Il est capable. Donc, il va faire de l'enseignement, de la correction, il va parler avec les gens, il va répondre aux questions des gens. Et la deuxième, c'est quelqu'un qui va être capable de débattre, d'argumenter avec les gens qui sont des faux docteurs, parce qu'il va avoir des faux docteurs. Paul, il va dire aux évêques d'Éphèse, dans les Actes des Apôtres, il va dire, je vous ai enseigné pendant 3 ans, maintenant je vous laisse ici sur l'église d'évêques, que vous allez devoir surveiller, parce qu'il va venir des loups qui vont vouloir détruire le peuple de Dieu. Donc il va falloir qu'ils se battent avec ça. Et quand tu veux te battre avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi, pour que tu sois capable d'avoir le deuxième il faut. Sans ça, tu ne seras pas capable. Troisième, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Facile, celui-là, là. C'est quoi qu'il doit faire? Ça va être quoi, sa job? Diriger. Ça va être dirigé. Il faut qu'il dirige sa maison pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Donc, c'est diriger. Diriger, ça veut dire quoi? Quand tu diriges, ça veut dire quoi, diriger? Tu indiques la voie. Tu indiques le chemin. Tu conduis. C'est par là qu'il faut aller. Tu diriges. Lui, il va diriger à partir de la parole de Dieu. Il va diriger à partir des Écritures. Mais il va diriger, il va te pointer. Oh, on n'est pas dans la bonne direction, il faut revenir un peu vers le centre pour s'en aller par ce bord-là. Donc, il va diriger dans la vérité. C'est ça sa job. C'est ça sa job d'évêque. Donc, il va diriger l'Église dans les voies de Dieu, dans les paroles de Dieu, dans la vérité. Donc, il dit, pour voir si c'est bien dirigé, tu vas regarder s'il dirige bien sa maison. Comment tu vas savoir ça? En faisant un Facebook? En faisant Teams ou Zoom? Non, comment tu peux savoir ça s'il dirige bien sa maison? En allant dans sa maison. Il n'y a pas vraiment le choix. C'est pour ça qu'on parlait d'hospitalier tout à l'heure. Donc, il faut que tu ailles dans chez eux, il faut que tu le vois, il faut que tu le vois en relation avec sa maison. Mais quand on parle de maison, pensez pas trop québécois 2023. Pensez plus au temps de Paul, où ce que les maisons étaient élargies. C'était des familles plus grandes. C'était souvent les grands-parents, les parents qui sont là. Et c'était plutôt des grosses familles plus larges qui vivaient tous dans la même grosse maison sous des terres. C'était pas juste un homme et une femme avec 3 petits-enfants. Nous, on pense de même, mais c'était pas tout à fait de même peut-être. Je me souviens, 30 ans derrière, au Québec, la majorité des pasteurs, la moyenne d'âge des pasteurs des années 85 à peu près, là, c'était 28 ans. La moyenne d'âge au Québec. Donc, c'était tous des jeunes mariés avec des jeunes enfants en général. Donc là, tu disais, ah oui, sa famille, ça va bien. C'est tous des jeunes mariés, des petits-enfants ont 3, 4, 5 ans, c'est correct, ça va bien. Mais quand les enfants arrivaient à l'âge adulte, tout d'un coup, c'était plus difficile. C'était plus complexe. On dit en défroquer une gang. Yeah. Ah oui, puis avec l'enseignement de John MacArthur, il y a une gang qui a débarqué. Parce que leurs enfants devaient tous être des chrétiens, puis devaient tous marcher comme il faut, tous des bons petits chrétiens. Il y a une gang de pasteurs qui ont quitté le ministère. Est-ce qu'ils ont été obligés de quitter la municipalité? Certaines fois, puis d'autres fois, ils ont pris la propre décision. À cause de l'enseignement eux-mêmes avaient eu. Mais en même temps, il y a des églises qui ont demandé de quitter. Parce qu'ils disent, vos enfants ne sont pas... Parce qu'ils disent, c'est fort, hein? Il faut qu'ils tiennent, l'évêque, il faut qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Parfaite, c'est fort, comme parfaite honnêteté. Puis la soumission, ça veut dire... Cette semaine, j'ai écouté le témoignage de Benoît Guillot, le garçon de Claude Guillot. Benoît, c'est son nom, Benoît, son petit nom c'est Ben, mais j'ai écouté son témoignage qu'il donnait. Son père le gardait dans la soumission. On n'aurait peut-être pas voulu l'avoir comme pasteur ou comme évêque. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par garder un enfant? Puis un enfant, c'est quoi? C'est un enfant pour un évêque, c'est-tu jusqu'à l'âge de 12 ans, après ça c'est correct? Ou jusqu'à l'âge de 15 ans, après ça c'est pas correct? Il y en a qui disent, bon, c'est le temps qu'il est à la maison, peut-être. Hein. Mais c'est à quoi? Si la maison est plus large, il ne quitte pas, non, il quitte pas bébé vite. S'il reste avec grand-papa et grand-maman, puis lui s'installe finalement, on fait un petit appartement, puis il reste avec les parents parce qu'ils s'occupent de la ferme, ils travaillent là ensemble, ils ne sont pas encore partis. Nous, dans notre image de la famille, là, c'est un homme, une femme, deux, trois enfants. Là. C'est ça qu'on voit. Là. Mais c'est peut-être plus large que ça. Je vous suggère ici qu'il parle, parce qu'il dit, je veux voir, moi, là, ce que je veux voir, ou ce que Timothée doit voir sur celui qui aspire à la charge d'évêque. Il doit voir si cet homme-là sait diriger l'Église de Dieu, il doit regarder sa famille. Mais la job de l'évêque, c'est quoi? Diriger spirituellement l'Église. Pas savoir si les chrétiens font leur chambre le dimanche matin. C'est pas savoir s'ils placent leur bobette dans le bon tiroir. C'est pas savoir s'ils font la pelouse. C'est pas ça. Je suis appelé à diriger spirituellement l'Église. Donc, c'est ça, je veux regarder dans sa maison. Je veux pas quand même savoir si les enfants sont propres, si sont tous bien habillés, s'ils sont polis, s'ils sont... Ça, c'est autre chose, là. Mais je veux voir si spirituellement il dirige sa maison. C'est spirituellement que je parle. Parce que c'est ça que je veux lui confier comme job. C'est ça que je veux, qu'il lui aspire à faire. Ça ne veut pas dire que lui est capable de garder le bâtiment tout propre, là. Non, c'est pas ça le but. Il doit diriger spirituellement sa maison comme il faut. C'est ça qu'il doit faire. Donc, quand il parle, je vous suggère soumission et. Dans une parfaite honnêteté. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça au premier chapitre, qui parlait de l'honnêteté? On avait vu c'était quoi? C'est l'honnêteté envers Dieu. C'est pas l'honnêteté envers le gouvernement. C'est qu'ils vont voir si ses enfants sont soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Ils n'ont pas soumis à ses parents, puis ils font tout ce que les parents disent. Mais est-ce que c'est cet homme-là qui va être un évêque, qui veut surveiller l'Église, est-ce qu'il surveille ses propres enfants dans la foi, premièrement? Ou si ses enfants ne suivent pas la foi, puis qu'il ne fait rien, il ne fera rien d'église non plus quand les chrétiens vont partir de travail. S'il ne reprend pas ses enfants qui ne marchent pas bien dans le Seigneur, il ne reprendra pas les chrétiens non plus. Sauf qu'à ce moment-là, il faut que les enfants soient croyants. Non, parce que si les enfants ne sont pas croyants, ils vont agir envers eux comme des non-croyants. Donc, s'il y a des non-croyants dans l'Église, ils vont agir avec des non-croyants. Ils ne les déclareront pas croyants parce qu'ils sont dans l'Église. Mais si ses enfants ne sont pas croyants, ils vont les traiter comme des non-croyants. Ils ne diront pas qu'ils sont croyants parce qu'ils sont les enfants du pasteur. Puis, qu'est-ce qu'il va faire avec eux, ces enfants-là? Il va travailler comme avec des gens qui ne sont pas croyants. Donc, il va les enseigner l'Évangile, il va les parler du Seigneur, il va essayer de les gagner au Seigneur. C'est ça qu'il va faire. Parce que c'est ça que tu veux qu'il fasse aussi dans l'Église. S'il arrive quelqu'un dans l'Église qui n'est pas croyant, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ah! Tu ne rentres pas dans l'Église, tu n'es pas croyant. Ben non! Si tu veux qu'il rentre dans l'Église, et tu vas falloir que tu l'accompagnes là-dedans aussi. Là. Il va falloir que tu agisses envers lui. Mais tu es capable de discerner qui est croyant ou pas. Tu n'es pas capable. Si tu appelles tes enfants croyants et qu'ils ne sont pas croyants, tu as un problème. Tu ne devrais peut-être pas être le dirigeant spirituel de l'Église. Ou si tes enfants ne fonctionnent pas, puis tu ne fais rien, dans la foi. Ils se déclarent croyants, mais ils ne font pas la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu fais en tant que pasteur? En tant que parrain? Avant d'être évêque. Si tu ne fais rien en tant que parrain, tu ne feras rien dans l'Église non plus. Fait que si tu n'es pas capable de surveiller ta maison spirituellement, viens pas dire que tu vas surveiller l'Église spirituellement aussi. Hein? Comprenez-vous l'idée? C'est pas que tu vas avoir une belle petite famille rangée, puis qui est vraiment une belle... Comment je dirais ça? Une belle image de la société dans laquelle on vit, les enfants gentils, polis, tout bien habillés, puis ils vont à l'école, puis ils ne sacquent pas, puis ils ne prennent pas trop de boissons. Puis... Si c'est ça que tu veux, ben c'est pas ça que la Bible veut. Parce que la job que tu veux confier, la job que le gars désire, c'est surveiller spirituellement l'Église. C'est ça que tu veux. Comment tu vas savoir ça? Moi, je me souviens, il y avait un homme qui était venu, il dit, François, tu as une belle petite famille. Mes enfants étaient tous en bas de 7 ans à ce temps-là. Il dit, tu as une belle petite famille, tu sais. Ouais, merci. Ça n'a pas été long que ça a viré au noir. Il y en a qui ne voulaient plus venir à l'église, il y en a qui ne voulaient plus ici. Mais tu fais quoi en tant que père spirituellement? Tu fais quoi? Est-ce que tu dis, mais c'est pas de leur faute, ah ben je les comprends, ah ben c'est son jeune. C'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ça que tu vas avoir comme dirigeant spirituel. C'est pas ça que tu vas avoir. Tu vas avoir quelqu'un qui va surveiller l'église pour que l'église marche dans la vérité, qui va marcher dans la vérité. Et ça, mes frères et sœurs, c'est d'une importance éboulante. Capitale. Parce que celui qui est évêque ne fait pas ça, va peut-être avoir une belle église qui chante, qui fait tout ça, mais peut-être pas dans la vérité partout. Peut-être une belle église qui fonctionne. Comme il peut avoir une belle petite famille qui fonctionne, mais pas dans la foi du tout. Moi, j'ai vu des pasteurs essayer de justifier pourquoi que les enfants avaient marié un inconverti. Mais non, tu ne peux pas dire ça. En tant que pasteur, tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, ah, ben là, tu sais, c'est jeune. Puis il n'y a pas de gars dans l'église, finalement. Il n'y a pas de fille, donc c'est compréhensible qu'elle ait marié un inconverti. Non. Il faut que tu sois capable de dire, c'est mal, c'est pas ça que Dieu veut. Il faut que tu sois capable de dire. Il faut que tu sois capable de la reprendre, cette personne-là, et de dire, ben, ce que tu as fait là, c'est mal, c'est péché. Tu es allé contre la parole de Dieu. Ça peut causer des conflits dans la maison, ça peut causer des conflits à l'extérieur. Mais si tu n'es pas prêt à accepter un conflit dans ta maison, tu ne l'accepteras pas plus dans l'Église. Non? Donc, c'est aussitôt que tu vas avoir à dire la parole de Dieu dans l'Église, ça va causer un conflit, donc tu n'en parleras pas. Mais là, tu ne peux pas faire ça non plus en tant que celui qui surveille l'Église. Il faut que tu sois capable de le faire. Et donc, gentiment, bien entendu, avec amour, avec respect, tout ce que tu voudras, mais il faut que tu sois capable de le faire quelque part. Donc, si spirituellement, cet homme-là ne dirige pas sa maison, là, il faut bien comprendre ça veut dire quoi diriger spirituellement. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les mêmes standards d'éthique familiale que toi, puis on mange tout pareil, puis non, c'est pas ça, là. C'est spirituellement, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il enseigne-tu sa famille spirituellement ou s'il n'enseigne pas sa famille? S'il n'enseigne pas, il n'enseignera pas plus l'Église, je vous garantis, mais tu te donneras un salaire de 100 000. Il ne fera pas plus, ça. Mais si tu sais qu'il enseigne son Église, sa propre maison dans la foi, puis qu'il reprend ses enfants, que ce n'est pas correct, si son enfant revient de l'école et dit hey, « on vient des singes », ben il va être capable de dire « non, mon petit gars, on ne vient pas des singes. On a été créés par Dieu, nous autres, c'est là. »« Ouais, mais papa, le professeur l'a dit. Ben, » moi, je te dis que Dieu a dit que Dieu nous a créés. Donc, il est capable de reprendre les enfants. Et plus il va vieillir en âge, l'enfant, plus il va avoir des questions, puis plus tu vas avoir besoin de réponses. Là. Donc, il va falloir que tu fasses. Mais si tu ne les enseignes pas, ben, tu n'enseigneras pas dans l'Église non plus. Si tu ne corriges pas doctrinalement tes propres enfants, tu ne corrigeras pas non plus l'Église. Mais là, ce n'est pas une famille exemplaire selon la société, là. Si c'est ça que vous recherchez, peut-être chercher longtemps, mes frères. Mais même, ça veut dire que c'est ça que vous cherchez pour votre propre maison aussi. Puis c'est ça que vous allez vouloir avoir dans l'Église. Vous allez dire, ben, je veux avoir un pasteur qui a une belle petite famille exemplaire, donc vous allez vouloir avoir dans l'Église des petites familles exemplaires. Ça ne marchera peut-être pas. Il dirige bien sa maison. Donc, ben, il va diriger avec indulgence, pacifique aussi, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va être capable de faire ça. Un dernier, verset 6. Il en reste deux. Ça va aller un petit peu plus vite, celui-là. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Bon, nouveau converti, ça ne parle pas de son âge physique. Hein? Ça ne parle pas de son âge physique. Ça peut être un nouveau converti qui a 70 ans, mais il vient juste de se convertir. OK? Ou ça pourrait être... ça veut dire quoi, un nouveau converti, puis pour Paul et Timothée, ça? C'est-tu un an? C'est-tu 2 ans? C'est-tu 3 ans? C'est-tu 10 ans? C'est un nouveau converti? Mais non, si c'est 30 ans pour Paul, pas évident, hein? Pas facile à savoir. Mais, nouveau converti. Je sais pas, je vous ai déjà raconté une fois, quand on était à Victo, on était avec M. Cormois, qui était pasteur à ce moment-là, c'était le recul des années 85, 83, 84. Et moi puis Benoît Rancourt, on est en train de travailler pour commencer une église à Neuville-Louville. On est une vingtaine de personnes dans un sous-sol chez Adrien Manningham, puis on s'occupe de ça. Puis moi, à un moment donné, j'étais à l'association, puis je vais parler avec un vieux pasteur. En tout cas, il est habillé en âge, puis je pense que c'est un vieux chrétien aussi. Puis là, je dis pas, je raconte mon histoire, comment est-ce qu'on faisait ça, puis les anciens, puis les diacres. Puis là, j'ai dit, moi, là, j'ai 3 ans de vie chrétienne, puis mon chum, il en a peut-être juste 2-3 ans de vie chrétienne, puis on est des nouveaux. Mais il dit, êtes-vous les plus vieux chrétiens de la gang? J'ai dit, ouais. Ben, il dit, allez-y. C'est vous autres les plus vieux. C'est vous autres les plus vieux. Donc, il dit, allez-y. Vous en savez plus que tous les autres. Donnez-leur tout ce que vous savez. Mais n'oubliez pas de continuer à apprendre pour les emmener avec vous autres après. Là. Mais voyez-vous, c'est quoi un jeune converti? Souvent, ça fait partie de la place ou du côté. Il y avait dans nos cours, il dit, si ton église est moyenne, la moyenne d'âge de l'église est à 65 ans, un peu comme nous autres, là, ici, là. La moyenne d'âge à 65 ans, mais pas un pasteur de 30 ans dans ce groupe-là. Il va avoir bien la misère à fonctionner. Mais ça n'a pas non plus un de 75 dans une église que tout le monde a en bas de 30 ans. Ils vont avoir bien la misère à fonctionner. Parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça que ça marche. Mais en même temps, c'est un jeune converti, mais on ne va pas se mettre dans l'ordre. On va juste comprendre pourquoi ça ne doit pas être un jeune converti. Deux raisons. Une raison, peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il y en a qui ont d'autres traductions. Enflé d'orgueil. Ça, je ne connaissais pas ça, vous autres, l'orgueil. Hein? Enflé d'orgueil, ça veut dire quoi, ça? Quand est-ce que tu es enflé d'orgueil? Quand est-ce qu'un gars là, qui veut devenir surveillant de l'Église, gardien de l'Église, gardien du troupeau, surveiller avec le pasteur ou l'ancien du troupeau, mais c'est un jeune homme qui vient, ou un jeune chrétien, il vient de se convertir. Y a-t-il un danger qui devienne enflé d'orgueil? Il meurt plus épais. Oui, ça se peut qu'il soit enflé d'orgueil. Puis s'il est enflé d'orgueil, il va tomber sur le jugement du diable. Il y a une Bible de Richard, cette semaine, il m'a lu sa Bible. Lui, ça disait qu'il va subir le même jugement que le diable. Mais vous, c'est différent, hein, tu peux. C'est-à-dire, il va être comme le diable, qu'est-ce qu'il va faire s'il est orgueilleux? Il va s'éloigner de ce que Dieu a dit. Il va faire la même chose que le diable. Il va être puni et chassé comme le diable. Donc, il dit, fais attention de ne pas mettre un jeune chrétien en charge de l'Église, parce qu'il va probablement devenir, pas probablement, il va devenir certainement orgueilleux. Moi, je me revois, là. Je vois un jeune dans le ministère. L'orgueil m'a sorti par les oreilles. Tu sais, les jeunes, là, les ados, là, ils ont toujours l'impression qu'ils en savent plus que toi. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont t'en montrer. Moi, je me souviens quand j'étais avec Benoît Rancourt, on va lui montrer aux vieux, nous autres. On va faire une vraie église qui marche. Nous autres, on va l'avoir la solution. T'sais. Les autres là, sont vieux jeux, puis ça marche pas. L'orgueil. L'orgueil va nous emmener soit que Satan va utiliser la situation et va nous faire tomber dans le péché. Ou soit que Dieu va nous faire tomber aussi, dans le sens qu'il va nous juger. Parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui. C'est pas pour rien que celui qui est plus vieux dans la foi, en général, il a acquis une certaine sagesse. Puis, il a essayé d'être le gars qui pensait qu'il était capable d'être, puis il n'a pas réussi. Ça donnait un peu plus sage, un peu moins. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il voulait que les autres puissent faire, il ne le fait pas lui-même. Il n'est pas capable d'y arriver. Donc ça va l'emmener d'être un peu plus humble, un peu plus indulgent, un peu plus pacifique, ou un peu plus compréhensif. Je comprends que tu as de la misère, j'ai de la misère aussi, que j'ai eu de la misère aussi. Je me souviens qu'il y avait un jeune chrétien qui était venu me voir, puis je pas orgueilleux dans le temps. Il me dit, François, il dit, lui, ça faisait un jeune chrétien, ça faisait peut-être même pas un an, 6 mois qu'il était à l'église. François, il dit, ça t'a pris 10 ans d'arriver là, donne-moi du temps. Moi, ça fait juste 6 mois que je viens à l'église. Là. Fait que tu voudrais que je vive comme toi? Non. Moi, ça va me donner 10 ans. J'avais trouvé ça intelligent. Je n'avais pas aimé ça, mais trouvé ça intelligent. Mais c'est ça que ça veut dire, ça. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Puis c'est pas rare. Fait que si moi je me vois jeune converti, ben je ne devrais pas aspirer à ce job-là. Parce que je ne suis pas là. Mais si le gars il aspire, toi tu dois dire, mais aspire, mais prends un peu ton temps. Embarque comme chef, embarque comme. Commence à travailler un petit peu là, à travers l'église, puis on va donner des petits jobs, puis tu vas monter avec le temps. On verra si tu es capable. Et la dernière. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Qu'est-ce que cette histoire-là maintenant? Là, c'est un bon témoignage des gens du dehors dans une situation de tribulation, de persécution, où les gens du dehors veulent te flamber. Et ça veut dire quoi, là? Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être que tout le monde pense du bien de toi parce que tu es un chrétien. Ça ne peut pas être ça parce que souvent les chrétiens sont persécutés. Mais si tu es persécuté à cause de la foi, yes, sir. OK, pas de problème. Mais le bon témoignage, ça doit être d'autres choses parce que celui qui te persécute ne va pas penser vraiment du bien de toi parce que sans ça, il ne te persécuterait pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par. Un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux du dehors, ici, il y en a qui disent, c'est-tu des chrétiens en dehors de l'Église? Ou si c'est vraiment des gens qui ne sont pas des croyants? Je crois que le plus simple, c'est des gens non-croyants, ici. OK? Mais pour que les gens de l'extérieur aient un bon témoignage de toi, il faut qu'ils te connaissent, tu n'as pas le choix. Si c'est les voisins. Il faut qu'ils te connaissent quelque part. Ça peut être les voisins, ça peut être, nous autres, on pourrait dire la job, ou ça peut être les gens non sauvés qui sont dans ta propre famille. Mais ça veut dire quoi, un bon témoignage de la part de ces gens-là? Ça veut dire quoi? Parce qu'il dit, sans ça, il va tomber dans l'opprobre. L'opprobre, ça veut dire quoi, le mot opprobre? Non. T'as-tu ça que t'as dans ta Bible? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Afin qu'il ne soit pas méprisé. Méprisé. Discrédit. Qui mérite le respect des non-chrétiens. Donc, comment ils vont voir ça? Comment ils vont savoir ça? Parce que si tu leur prêches l'Évangile et qu'ils ne t'écoutent pas, ça se peut, mais. Mais ils vont continuer à y parler. Puis le mot l'autre, si on prend l'autre, ça va peut-être nous aider. Et dans les pièges du diable. Là, ça vient faire quoi? Là, tu dis, voyons. Là, que mon voisin pense du bien de moi. OK. C'est un chrétien, mais c'est un bon gars. T'sais, on pourrait penser ça, là. C'est un chrétien, mais c'est un bon gars. Il est gentil, tu sais, puis il vient m'aider de temps en temps. Oui, il m'a respecté. J'ai dit, j'en voulais pas de l'entendre parler, puis il m'en parle pas. Je sais pas si c'est ça, un bon témoignage. Mais les pièges du diable, ça ferait quoi, là, là-dedans? Les faux enseignements qu'il reçoit. S'il reçoit des faux enseignements, ça peut le faire tomber. Des faux enseignements de la part des non-croyants. Ouais. Et elle n'a pas un bon témoignage. Je veux dire de l'Église, si l'enseignement, s'il reçoit ceux qui enseignent, les faux enseignants de l'Église, s'il enseigne, lui. Oui, mais ça serait pas. Faut que tu le mettes dans le verset 7. Reçoivent un bon témoignage du dehors. C'est pas dans l'Église. Les gens du dehors doivent avoir un bon témoignage pour que tu tombes pas dans le mépris ou dans le discrédit ou dans l'opprobre et que tu tombes pas dans les pièges du diable. Les pièges du diable. L'auteur va en revenir à quelques reprises dans l'Épître à Timothée, dans les deux épîtres, avec cette expression-là, les pièges du diable. Mais là, si on compare de celui qui veut veiller sur le troupeau, doit avoir un bon témoignage des gens du dehors pour ne pas être méprisé et ne pas tomber dans les pièges du dehors. Donc, il faut exclure la question s'il parle de la foi, il va être persécuté. Il faut exclure ça. On s'attend à ce qu'il va parler de la foi un jour, aujourd'hui. On s'attend à ce qu'il va parler de la foi avec respect, avec c'est normal qu'on fasse ça. Les chrétiens sont tous appelés à faire ça. Mais il y a quelque chose qui va tomber dans le discrédit de la part des gens. Parce que s'il n'y a pas un bon témoignage, il va tomber dans le discrédit de la part des inconvertis, là. C'est pas de la part des croyants, c'est de la part des inconvertis, parce qu'on parle du témoignage de l'extérieur. Et les gens de l'extérieur vont le regarder. Non pas qu'ils vont avoir un bon témoignage, au contraire. S'il n'y a pas un bon témoignage, il va tomber dans le discrédit. Mais s'il y a un bon témoignage, ben, il ne tombera pas dans le discrédit ou dans l'opprobre, ou dans la honte, ou dans le manque de respect de la part des inconvertis. Mais s'il y a un bon témoignage, il ne tombera pas non plus dans les pièges du diable. Si j'ai un bon témoignage auprès des inconvertis, je ne tomberai pas dans les pièges du diable. Non, ben, c'est pas drôle à dire, hein, comme à faire. Si les inconvertis le voient comme ce gars-là, l'évêque, ou celui qui aspire à devenir l'évêque, que les qualificatifs qu'on a vus sortent. Du gens, pas toutes les réflexions. Oui. Mais s'il est comme ça, puis que les gens du dehors le voient comme ça, il y a un bon témoignage. Oui, mais les autres ne les connaissent pas, les qualifications. Ils le voient agir. Ils vont voir sa vie pour dire que c'est un bon gars. C'est ça. Mais il faut qu'il soit comme ça. Mais un bon gars. Pour notre contexte, c'est pas un bon gars dans la rue qui n'a que 3-4 bons gars qui ne sont pas chrétiens non plus. Parce qu'il y a des bons gars dans la rue qui ne sont pas des croyants aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Puis en même temps, si les gens pensent du bien de lui, puis ils disent bon ben, c'est un bon gars, mais les pièges du diable viendraient faire quoi là-dedans? Je veux juste que tu te conformes à ton voisin, à ceux qui te regardent. Alors, tu deviens faux, puis il y a un danger de tomber dans le piège du diable. Pas mal bon, ça, Céline. Pas mal bon. Tu es un gars à deux faces. C'est ça. Tu as une vie avec les inconvertis, puis tu as une vie dans l'Église. Ah, okay. Et ça, les inconvertis, ils sentent ça. Je l'ai déjà dit une fois, j'avais fait un sondage. J'avais demandé aux inconvertis, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas les chrétiens? Ils disent, vous avez deux vies. Vous dites un paquet d'affaires. Mais quand on va suivre, vous n'êtes pas comme ça. Donc il dit, parce que si tu vis une vie dans le monde, puis une autre vie dans l'Église, tu vas tomber dans les pièges du diable. Il faudrait que tu mentes, il faudrait que tu sois une hypocrite, il faudrait que tu fasses des pirouettes pour être accepté dans l'Église, puis d'être accepté dans le monde. Tu vas voir ce gars-là avec les inconvertis, il a l'air d'un inconverti. Tu rentres dans l'Église, il devient pieux. Ils prient, là, puis ils chantent, puis ils font des affaires. Mais tu remets des inconvertis, ils sont comme des inconvertis. Ils ont deux vies. Ça, c'est. Il n'y a rien de plus dangereux que ça pour le gars et pour l'Église. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas être une face bête avec des inconvertis. C'est pas ça que je parle. Les inconvertis sont capables de comprendre. Ben, je comprends qu'il est comme ça. c'est un prêtre, ça, tu sais, on va dire, c'est un chrétien. Ils sont capables de voir qu'il était différent parce que tu es chrétien, puis ils vont respecter ça. Le gars, c'est normal, il se dit chrétien, donc je ne m'attends pas à ce qu'il va croire, c'est tout ce que je crois. Mais ce n'est pas un visage à deux faces. Puis ça, ça fit bien avec notre épître à Timothée, parce qu'on veut garder une conscience pure, on veut garder un cœur pur, on veut garder une foi pure. C'est qu'on, ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Donc, l'inconverti, il va voir ça, puis il est capable de je ne vais pas dire qu'il va être content de ton affaire, puis il va être d'accord avec toi, mais il est capable de savoir que tu es honnête avec ce que tu dis. Ben, moi, dans mon témoignage, je vous avais dit ça une fois. J'avais dit à mon petit frère Denis, on était dans un mariage, j'avais dit à la fin du mariage, je ne suis pas d'accord avec ce que tu crois, mais j'admire que tu vis ce que tu crois. J'admire que tu vis ce que tu crois. Ça, j'admire ça. Je l'ai converti. C'est un chrétien, pour moi, ça n'a pas été dans le temps. Mais j'ai dit, tu dis ça, mais tu vis ça, je ne suis pas d'accord, mais au moins, tu es conséquent. Mais si je ne suis pas conséquent, je tombe dans les pièges du diable. Il va m'emmener d'être un hypocrite, un menteur, puis je vais faire toutes sortes de pirouettes pour être accepté chez les croyants, puis être accepté chez les inconvertis. Puis là, comment tu vas-tu être capable de surveiller l'Église si tu es comme ça? Quand l'Église a besoin d'être redressée, non pas juste dans la doctrine, mais dans la vie de tous les jours aussi. Parce que la doctrine influence ma vie de tous les jours. Ça, c'est celui qui aspire à la job d'évêque. Et comme je dis tout à l'heure, chaque église qui va être en besoin d'avoir des anciens, il y en a dans l'église, dans ce groupe-là, qui vont faire ce qu'il y a ici. Là. Il y en a qui vont désirer être. Ils vont désirer faire de quoi pour aider. Est-ce que quelqu'un parle? Non? Ils vont désirer aider. Ils vont aspirer à la charge de. Maintenant, les gens dans l'Église, dépendamment de la formule que l'Église fonctionne, il y en a qui vont voir, oui, qui pensent qu'ils seraient capables de faire. Comme Timothée devait voir ça chez les gens. Oui, je pense que tu seras capable de faire. On va t'établir évêque et tu vas faire la job. Donc, Timothée devait connaître ces gens-là. Mais si, il n'y en a plus de Timothée aujourd'hui, là, ils ne sont plus là. Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais si on se donne, s'il y a d'autres anciens avant, s'il y a un conseil, s'il y a qui va juger. Oui, t'aspires à ça. T'aspires à faire quoi? Et nous, on voit que tu seras capable de faire. Et aspire à la charge d'évêque. Donc, tu n'es peut-être pas un bon musicien, tu n'es peut-être pas un grand chanteur, tu n'es peut-être pas si, mais on croit que tu es capable de surveiller l'Église et de la garder dans la foi. Non pas juste dans la doctrine, mais dans sa mise en pratique de la doctrine. Ça, c'est important aussi. Parce que si c'est pour ça que l'auteur, ici, va dans les deux directions. Il parle, oui, d'être capable d'enseigner, d'être capable de... mais en même temps, c'est un gars qui vit ce qu'il enseigne. T'as les deux, là, ça va ensemble. Il n'y a pas de perfection. Mais ceux qui sont là ne sont pas plus parfaits. Timothée n'est pas plus parfait. Les églises ne sont pas parfaites. Mais de croire que quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te surveiller, qui peut te... Tu es un berger, tu vas dire, OK, je vois qu'il pourrait être mon berger, je crois qu'il pourrait m'aider à garder la foi, à garder le cap. Mais on va le prendre pour ça. Donc ça, ça fait partie aussi de la place. La semaine prochaine, on va voir les diacres. Essayez de voir, cette semaine, si vous avez le temps, de regarder les diacres, ça veut dire, pourquoi il parle des diacres dans cette épître-là? Qu'est-ce que les diacres? Puis, vous allez voir, ils ont à peu près les mêmes critères. Seule femme, modérée, simple, il y a tout, quasiment toutes les mêmes choses. Donc, quelle est la différence d'abord entre un diacre et un ancien si c'est les mêmes qualificatifs? Donc, essayons de voir c'est quoi la différence entre les deux. Oh! C'est moi qui fais le repas du Seigneur. Tournez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. C'est parce que je suis pas en bonne place. Oui, c'est Éphésiens, oui. Chapitre 2, oui. Verset 11. Ta vie est tellement différente que tu penses que t'es pas en bonne place. Tu penses que t'es pas en bonne place? Ok. Je suis en bonne place. Ça me dit P-H-E-S-I-L-M-E-P-L-I-N. Je suis en bonne place. C'est pourquoi, on revient, c'est pourquoi païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Donc ici, les Juifs appelaient les non-Juifs des incirconcis. Et quand tu disais un incirconcis ou tu appelais quelqu'un un incirconcis, c'était pas juste que tu avais un petit bout de peau de moins. Si on t'appelait un incirconcis, c'était que tu ne faisais pas partie du peuple de Dieu. C'est ça que ça voulait dire. C'était toute une insulte, c'était pas juste physique, là. Je te disais, toi, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu réfléchis pas mal quand avant de dire ça, là. Donc, il dit, vous étiez appelés incirconcis par les circoncis, que les autres se voyaient comme étant le peuple de Dieu. Verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'est nous. Chacun de nous qui est ici, là. Est-ce qu'on n'était pas juif par ça? S'il y en a qui étaient juifs, dites-moi les. Je ne pense pas. Donc, le verset 1 et 2 nous disent qui nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Et on était vraiment dans le champ de patate. Hein? On était vraiment loin de Dieu. On n'était pas le peuple de Dieu. On était privé ou interdit de cité en Israël. On était des étrangers aux alliances. Donc on n'avait pas part à l'alliance de Dieu avec Moïse. On n'avait pas part de l'alliance de Dieu avec David. On n'avait pas part de l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ non plus. On n'avait pas part aux alliances de Dieu. Et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Aucun espoir vers le monde extérieur. Aucun espoir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Timothée Keller ou Tim Keller. Il est décédé cette semaine, 72 ans. Donc, puis il disait à ses enfants, à sa femme, « Ne vous en faites pas pour moi. Je m'en vais rejoindre Jésus. Ne vous en faites pas pour moi. » Il faisait 3 ans qu'il savait qu'il mourrait parce qu'il avait un pancréas, un cancer du pancréas. Puis plus il avançait, plus il avait hâte de voir. Pas parce qu'il ne souffrait pas parce qu'il n'avait pas ses doutes et ses peurs. Parce qu'il dit, plus il avançait, plus il priait, puis plus il demandait que c'est de prier avec lui. Plus il priait, plus il avançait, plus il demandait aux gens de prier, puis plus il priait avec lui. Puis finalement, il est mort le 19, cette semaine. Moi, je le connais depuis longtemps, parce qu'il était un de mes enseignants. Donc, c'est un bonhomme qui... Il avait un espoir. Il avait un espoir d'un monde meilleur, d'une place meilleure. Mais nous, on était sans espoir. On n'avait pas aucune espérance. Puis même en tant que catholique très pratiquant, jusqu'à certains points, on n'était jamais sûr non plus. Le meilleur d'entre nous, on espérait le purgatoire. On espérait le purgatoire, les meilleurs d'entre nous. Les autres, c'était l'enfer. À moins d'avoir acheté des indulgences. Oui, mais on n'avait pas d'argent, on n'était pas au chenou. Fait qu'on n'avait pas de poignée d'acheter des indulgences. Et en tout cas, bon. Mais maintenant, donc ça c'est ce que vous étiez avant, dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation et de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Donc il dit, vous n'aviez pas le droit, parce que vous n'étiez pas le peuple de Dieu, vous n'aviez pas le droit aux alliances, vous n'aviez pas le droit aux promesses, vous n'aviez pas le droit. Mais Jésus-Christ, en venant par la croix, vous unit à ce peuple-là, vous unit à ces alliances-là, à ces promesses-là. Donc, par la foi dans la mort de Jésus-Christ, par la foi dans la croix, vous faites partie maintenant du peuple de Dieu. Vous devenez des circoncis spirituels. Vous avez maintenant droit à l'alliance nouvelle. Vous avez le droit maintenant à toutes les bénédictions. Et vous avez maintenant une espérance dans votre vie. Tout ça dépend de la croix. Tout ça dépend de la croix. J'ai le droit d'être, de me dire enfant de Dieu ou peuple de Dieu, ou j'ai le droit de dire je fais partie de la nouvelle alliance, ou j'ai une espérance, et ça, c'est à cause de la croix de Jésus-Christ. C'est ça qui fait que j'ai droit à ça. Et ça, c'est pour ça qu'il veut qu'on se rappelle. Il veut qu'on se rappelle que si nous sommes le peuple de Dieu, que nous avons la paix avec Dieu, que nous avons tous ces privilèges-là à cause de la croix. Et la tendance, c'est qu'on s'éloigne de la croix. C'est ça qu'on a vu dans Timothée. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des doctrines, on ajoute des fables, on ajoute des prescriptions, on ajoute des traditions, on ajoute toutes sortes d'affaires, à un point tel qu'on a perdu la grâce dans le paquet. On a perdu ça. On perd. Et il faut revenir à cela. Et le repas du Seigneur sert à ça. Nous ramener. Si vous pensez que vous ne vous éloignez pas, le repas du Seigneur, ça ne veut rien dire pour vous. Si vous pensez qu'il n'y a pas de danger, le repas du Seigneur, ça ne sert absolument à rien. C'est pour me rappeler. Pour me ramener dans ce qui est essentiel, dans ce qui est vrai, dans ce qui est unique, dans ce que lui a fait qu'on ne peut pas faire, nous. Ça nous ramène semaine après semaine. Ça nous ramène dans la vérité. C'est à cause de la croix que je suis maintenant un enfant de Dieu. C'est à cause de la croix que je suis pas de morceau de bois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Jésus-Christ qui était sur la croix. Qui fait que dire, OK, c'est la croix. C'est la croix, notre raison, notre espérance, c'est la croix. Donc, on va se rappeler cela encore une fois, semaine après semaine, on se rappelle cela, parce qu'on a besoin. Jésus a dit, quand vous allez vous réunir, faites ça ensemble. Vous avez besoin de ça. Donc, on va prendre le temps de méditer pendant que Michel et Gisèle vont passer les éléments. Prenons le temps de méditer sur ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, la veille de sa mort, a pris un morceau de pain. Le pain qui représentait le corps de l'agneau, l'agneau pascal. Il dit, comme le corps de l'agneau pascal a été déchiré et brisé pour sauver les Égyptiens, mon corps à moi aussi va être brisé, va être déchiré, va être meurtri pour vous. Vous méritiez ça. Je prends sur moi ces souffrances-là, pour que vous puissiez faire partie du peuple de Dieu. Mangeons en sa mémoire. les souffrances devaient amener à la mort pour être salvatrices. Si Jésus avait juste souffert sans mourir, ça ne leur servait à rien. Il fallait que les souffrances amènent la mort. Et la mort est illustrée par le sang, comme les agneaux à cette époque-là. C'est pour ça que quand tu voyais du sang sur le linteau des portes, tu savais qu'il y avait une brebis morte, quelque part, dans la maison ou dans la cour en arrière. Et quand nous, on voit le sang, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de mort. Quand le prêtre rentrait dans le lieu très saint, il y avait un animal de mort. Il dit, quand nous, on prend le sang, il dit, quand vous allez prendre le sang, souvenez-vous, je suis mort. Mon sang a été versé à la croix afin que vous ayez le droit à la nouvelle alliance, à l'alliance nouvelle, ou à la paix, ou à l'espérance qui fait partie de cela. Buvons en mémoire de lui. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient remercier le Seigneur pour sa mort à la croix? Père Céleste, est-ce qu'on regarde à la croix, on veut se rappeler? C'est tellement important, Seigneur, le merveilleux privilège que tu nous fais de pouvoir prendre le repas du Seigneur, de se rappeler ce qui a été accompli à la croix par ton Fils Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce merci pour cette grâce, merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous fais de t'appartenir. Béni sois-tu, béni soit ton Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, les circoncis s'étaient élevés dans l'orgueil, puis regardaient les incirconcis comme étant pas corrects. Pourtant, les circoncis avaient dû désirer le salut des incirconcis, mais ils ne l'ont pas fait. Jésus, lui, avait jamais eu l'intention de sauver seulement les Juifs. Il a toujours eu l'intention de sauver tout le monde. Des gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus de la terre. Et la façon qu'il s'y est pris, c'est qu'il s'est incarné et est venu prendre le corps d'un homme. Quel geste incompréhensible pour nous. Le Créateur de l'univers, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, s'est réduit en prenant la place d'une créature pour venir faire la paix, pour venir nous réconcilier, pour venir nous faire participer à l'espérance du royaume de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, quand tu nous vois s'éloigner, quand tu vois dans nos cœurs que nous sommes en train de s'égarer, ô Seigneur, utilise le repas du Seigneur pour nous ramener. Pour nous ramener en tant qu'individu, en tant qu'Église. Ramène-nous toujours dans la vérité. Ramène-nous toujours vers ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est absolu. Qu'on ne soit pas comme les gens d'Éphèse qui s'attachent à des fausses doctrines, qui s'attachent à des fables, à des traditions, s'attache à des superstitions, mais qu'on puisse s'attacher à la croix, s'attacher à Jésus, qui est notre Sauveur. Puisses-tu, Seigneur, être glorifié par nos bouches et par nos vies. Amen. Amen. Avant que vous vous leviez, surtout pour les Chantal et Vincent, la semaine prochaine, il n'y a pas de réunion ici. On s'en va tous à Plessisville, nous. Dans l'avant-midi. Dans l'avant-midi. On s'en va là parce qu'il y a un baptême. C'est le baptême de ma petite fille. Ah, OK. Qui est dans cette église-là. Donc, nous, on y va. Si vous voulez venir, vous venez. Vous montez à Plessisville pour 10 heures. si vous voulez. Si, et dans l'après-midi, il n'y aura pas de réunion ici. Puis okay. Si vous voulez venir, vous emmenez votre lunch et les gens mangent ensemble à l'église après. OK? Okay. Donc, si vous voulez, si vous pensez venir, dites-moi là, je vais leur dire là-bas parce qu'ils vont préparer les chaises et tout ça. Donc, là, ils sont 5 églises, ils se réunissent chez les baptistes. Oui, c'est ça. Pas cette semaine, hein? Le 2 juin. Le 2 juin, hein? C'est un vendredi, ça? Un vendredi. Un vendredi. Il y a 5 églises. Il y a la Bible. Ah oui, OK. Ouais. C'est ça dont il parlait de voir. C'est ça qu'il m'avait parlé, oui, aussi. L'église de Pestuville. Pestuville, l'église de Guito, ça fait 3. Aujourd'hui, puis après, ils vont. Chrétien. Oui, c'est Notre-Dame. En face du Maxime. Oui, c'est ça, tu as l'amour et la vérité. L'amour et la vérité. C'est ça, en face. Puis il y a peut-être la Bible. Non, non, plus par ici. Oui, c'est. Maniam va. Donc, ça doit être l'église ou quatrième, Maniam va, c'est l'église pentecôtiste. Oui, oui, oui. Les autres, ils se réunissent tous ensemble. Les deux. C'est pour célébrer le pardon, hein, c'est ce que tu avais dit. Non, c'est l'église. J'ai eu un message de Rebecca là-dessus. Mais, sur la réforme, on va y aller. Oui, c'est ça, j'ai vous invité, votre fille est là, vous autres. C'est ça.